La radiodiffusion télévision française présente, dans la série Dramaturgie étrange, Dramaturgie de l'étrange, une production de Bronislav Horowitz, Peer Gynt, d'Ibsen, traduit par Prozor, avec Berthe Bovy, sociétaire de la Comédie française, Oz, Michel Witold, Peer Gynt, Franz Descaux, Solveig, Jean Did, Le Vieux de Dovre, Jean Topard, Le Passager, Hélène Duc, La Femme en Vert, Geneviève Page, Anitra, Frédéric Aubrady, Begriffenfeld, Georges Chamara, sociétaire de la Comédie française, Le Fondeur, et le concours de Yvonne Cressac, Claude Morand, Lisette Lemaire, Régine Chantal, Carmen Silva, Marguerite Cassan, Pierre Marteville, Yves Duchâteau, Lucien Guerville, André Hérault, Jean-Louis Maury, Yves Pénaud, Hubert Prélier, Jean Péméja et Jean Bollot. Prise de son, Jacques Perrier. Direction artistique, Bronislav Horowitz. Un espace boisé près de l'enclos d'Oz. En bas, un torrent. De l'autre côté, un vieux moulin. Chaude journée d'été. Peer Gynt, garçon de 20 ans, solide et bien bâti, descend le sentier, suivi de sa mère Oz, petite et délicate. Tu mens, père. Non, je ne mens pas. Alors, jure-moi que c'est vrai. Mais pourquoi veux-tu que je le jure? Tu vois bien, tu n'oses pas. Le vilain, tout ça, ce sont que des histoires. Non, c'est vrai d'un bout à l'autre. Tu n'as pas honte de mentir à ta mère. Ça. Tu t'en vas chasser le renne dans les fiels pendant des mois sans te soucier de la récolte. Tu rentres ensuite sans fusil ni gibier, la plisse déchirée. Et maintenant, tu veux me faire voir la lune en plein midi avec tes histoires de chasse à dormir debout. Voyons ce bouquetin. Où l'as-tu surpris? À l'ouest de Gandin. Ah, très bien. Après? Paf! Je tire! Le bouquetin roule par terre. Alors je lui saute sur le dos, lui saisis l'oreille gauche et vais lui plonger mon couteau entre les épaules. Quand, tout à coup, le monstre pousse un rugissement, se dresse sur ses quatre pattes, jette plusieurs fois sa tête en arrière, me fait tomber le couteau de la main et m'emprisonne dans les reins, entre ses cornes, comme dans un étau. Bondit avec moi à travers le fiel de Gandin. Seigneur Jésus! D'un coup, sur un point de cette crête escarpée, une volée de perdrix cachée dans un creux se leva, caquetante, effarée sous les sabots du bouquetin. Celui-ci fait un demi-tour et d'un saut mortel se précipite dans le gouffre. Ah, bien malin qui le rattrapera. Et tu ne t'es pas cassé le cou, pas même les jambes. Tu ne t'es pas rompu le dos. Ah, merci mon Dieu qui m'avait préservé et rendu mon garçon. Oh bon Dieu, maître menteur, en voilà des inventions du diable. Mais cette histoire que tu me débites, je me souviens l'avoir entendue conter quand j'étais jeune fille. Ce n'est pas à toi. C'est à Gynt van Glys qu'elle est arrivée. Elle nous est arrivée à tous deux, quoi. Ces histoires-là, ça se répète de temps en temps. Oui, oui, ça peut se retourner un mensonge. S'enjoliver de mille façons se paraît si bien qu'on ne reconnaisse plus la vieille carcasse. C'est bien là ce que tu fais. Si quelqu'un d'autre que toi me disait cela, je l'assommerais. Mon Dieu, si je pouvais mourir et reposer en terre. Rien ne prend sur lui, ni pleurs, ni prières. Ah, père, tu es bien perdu. À tout jamais perdu. Qu'est-ce qui reste de toutes les richesses de ton grand-père? Où sont les boisseaux d'argent du vieux Radmus Gynt? Où sont tous ces écus? Ton père les a fait danser, il les a semés comme du sable, achetant des terrains dans toutes les communes d'alentour, se faisant rouler dans des carrioles dorées, et tout l'argent gaspillé pour ce grand festin à l'hiver où les bouteilles volaient en éclats, où chaque convive brisait son verre contre le mur. Où est-il, cet argent? Mais où sont les neiges d'antan? Silence! Devant ta mère. Regarde la maison, l'enclos. Il n'y a pas deux vitres dont l'une ne soit bouchée avec de vieux chiffons. Les haies et les barrières sont par terre. Le bétail n'a pas où s'abriter. Les champs sont en friche. Et il y a une saisie tous les mois. Oui, oui, tu es grand et fort. Et tu devrais bien servir d'appui à ta vieille mère malade. Soigner l'enclos. Défendre les derniers restes de ton bien. vaut rien. Dieu sait que tu ne m'as jamais été d'aucune aide. À la maison, tu ne sais que faire le feignant, étendu devant l'âtre, à remuer la cendre. Dehors, tu vas à une assemblée, tu fais fuir les filles et tu te bats avec les plus mauvais sujets de la commune. N'est-ce pas toi qui as cassé le bras d'Aslak, le forgeron? Ou qui lui a du moins foulé un doigt? Qui t'a conté toutes ces balivernes? La femme du journalier, qui l'a entendu beugler. C'était pas lui, c'était moi. Toi? Ben oui, mère, puisque j'étais le battu. Comment cela? C'est un gaillard, vois-tu. Qui ça? Aslak, donc. Oh, va, tu me dégoûtes. Battu par un sale ivrogne, par un pilier de cabaret, par un misérable noceur de cette espèce. Ah, j'ai essuyé bien des hontes et des ignominies. Mais celle-là est la pire de toutes. Un gaillard. Et quand c'en serait un? Était-ce une raison pour lui céder? Et que je batte, que je sois battu, c'est toujours la même complainte. Et console-toi, mère. Tout le monde dans la commune s'inclinera devant toi. Attends seulement que j'ai fait quelques grandes, très grandes actions. Toi? Ah, on ne sait pas ce qui peut arriver. Et tu pouvais seulement apprendre à raccommoder ta culotte, je n'en demanderais pas davantage. Je serai roi, empereur. Dieu me pardonne. Voilà son dernier grain de raison qui s'en va. C'est comme je te dis, donne-moi le temps seulement. Eh oui, donne-moi le temps de devenir prince, comme dit l'autre. Tu verras, mère, tu verras. Veux-tu bien finir? Tu es fou allié. Mais c'est vrai, cependant. Tu aurais pu devenir quelque chose si du matin au soir, tu n'avais pas la tête pleine de mensonges et de sottes inventions. La fille de Hestat te regardait d'un œil tendre. Tu aurais pu l'obtenir si tu l'avais voulu bien sérieusement. Tu crois? Le père n'a pas la force de résister à son enfant. Il est entêté à sa façon. Mais une gride finit toujours par avoir le dessus. Tout en bougonnant, le vieux grognon fait ce qu'elle veut. Ah, oh, père, une fille comme celle-là, très riche, une fille de propriétaire. Dire que si tu avais seulement voulu, tu serais son heureuse époux au lieu de traîner ici sale et déguenillée. Viens, allons-y de ce pas. Où cela? À Hestat. Pauvre garçon, nous trouverions porte-close. Pourquoi ça? Et là, tu as laissé échapper le moment, l'occasion. Allons, dis tout. Pendant que tu chevauchais dans les airs sur ton bouquetin, Matt Main a obtenu la fille. Quoi? Cet épouvantail qui faisait peur aux filles? Fait. Lui? Fait, c'est lui qu'elle épouse. Attends-moi, je vais atteler. Tu peux t'épargner cette peine. La noce est fixée à demain. Bon, j'y serai ce soir. Oh, le méchant, veux-tu augmenter mon chagrin en te faisant la risée de tout le monde? Remets-toi, tout ira bien. Gué, gué, nous attelons. Je vais chercher la jument. Lâche-moi. Non, je vais t'emporter ainsi jusqu'à la noce. Lâche-moi. Pas avant que nous soyons chez les parents de la mariée. Tu parleras pour moi. Tu es intelligente. Fais attendre raison à ce vieux fou. Dis-lui que Mademoiselle est une drogue. Lâche-moi. Et dis-lui aussi quel bon garçon est Perrin. Ah, tu peux compter là-dessus. Ah, je te donnerai un bon certificat. On te connaîtra de figure et de dos. Pas une de tes satanées frasques n'y manquera. Ce sera un tableau complet. Vraiment? Je ne te fermerai pas la bouche. Non, non, je ne fermerai pas la bouche avant que le vieux ait lancé ses chiens sur toi, comme sur un rôdeur de grand chemin. Je préfère aller seul. En ce cas, je te suivrai. Non, mère chérie, tu n'en as pas la force. Pas la force? Je suis si furieuse que je pourrais briser des pierres avec les doigts, avec les dents. Lâche-moi! Bien, si tu promets. Rien du tout. Je veux te suivre, lui dire ce que tu es. Non, tu resteras ici. Jamais. Je veux aller là-bas. Tu n'iras pas. Comment m'en empêcheras-tu? En te plantant sur le toit du moulin. Oh, oh, descends-moi. Oui, mais écoute ce que je vais te dire. Je m'en moque. Chère mère, je t'en prie. Oh, descends-moi à l'instant. Fais attention et tiens-toi tranquille. Si tu rustes, ça pourrait mal finir. Tu pourrais dégringoler. Canard! Ne remue pas tant! Puisses-tu être balayé de ce monde comme une ordure que tu es? Fuis donc, mère! Je crache sur toi! Tu devrais plutôt me donner ta bénédiction! Veux-tu? Dis! Ce que je te donnerai, c'est une bonne fessée, si grand que tu sois! Eh bien, adieu, on se cache, mère chérie! Patience! Je ne tarderai pas à revenir! Père! Miséricorde, il s'en va pour de bon! Ah, menteur de bouc! Vilain menteur, écoute! Eh non! Le voici qui détale! Au secours! Au secours! Je me trouve mal! Ah, Jésus! Qu'est-ce qui crie comme ça? Laissez-moi! Oh! Que faites-vous donc sur le toit? Oh, oh, vite, vite, une échelle! Je veux descendre ce satané pire! Votre fils? Ah, oh, vous pouvez dire maintenant que vous avez vu de ses tours! Oh, elle a perdu le sens! Hé! Hey, là-bas! Ewin! Anders, venez donc! Qu'est-ce qu'il y a? C'est Birgit qui a hissé une colline couverte de buissons et de bruyères. Voici Ekstad. J'y serai bientôt rendu. Qui sait, Ingrid est peut-être seule dans sa chambre? Non. Le chemin fourmi d'invités. Je ferais peut-être mieux de rentrer. Ils sont toujours là à chuchoter, à ricaner derrière moi que j'en ai chaud dans le dos. Si l'on pouvait seulement boire un coup, si l'on pouvait se glisser sans être vu. Quel drôle de nuage! On dirait un cheval scellé et bridé. Il y a un cavalier dessus. Et derrière, une vieille sur un balai. Ça, c'est mère. Elle gronde, elle crie. Père, arrête donc, animal! Tu vas voir, la vieille. Qui chevauche là-bas au soleil de midi? Regarde, c'est Peer Gynt. Il a le front hardi, des gants brodés aux mains, à la hanche une épée. Une escorte le suit, toute d'or équipée. En chevauchant toujours, il gagne une autre terre, par-dessus l'océan. Le prince d'Angleterre le reçoit sur la côte avec civilité. Les filles d'Angleterre étalent leur beauté pour lui plaire. Et l'on voit, se levant de leur table, lui faire les honneurs, les grands et les notables. L'empereur d'Angleterre aussi, portant la main à son front couronné, vient jusqu'au grand chemin et dit... Tiens, c'est Peer Gynt! Il est sous le cochon! Comment ça? L'empereur? Allons, lève-toi, mon gars! Diable, Fourgeon, comme veux-tu? Il n'a pas encore fini de cuver son vin depuis l'autre fois! Passe ton chemin! Ouais, mais dis-moi d'abord, mon gars, dis-moi ce que tu as fait pendant ces 6 semaines. Tu avais disparu, tu viens peut-être de chez le vieux de la montagne. Maître Aslak! J'ai fait des choses surprenantes. Voyons, conte-nous ça, père. Ça ne regarde personne. Tu iras à Ekstad, bien sûr. Non. On disait dans le temps que la fille te voulait du bien. Tu te tais, espèce de corbeau. Oh, ne te fâche pas, père. Si Ingrid t'a fait faux bond, tu en trouveras d'autres. Pense donc le fils de Jean Gunt. Allez, viens à la noce. Il y aura là de bons morceaux de chair tendre, sans compter les veuves. Que le diable. Il s'en trouvera bien une qui voudra de toi. Allez, bonsoir. Je vais saluer la mariée de ta part. Bonsoir. Que l'épouse qui elle veut, la fille d'Ekstad. Je m'en moque. La culotte, une vraie guenille. Si seulement j'en avais une de rechange. Ah, le mépris de ces hommes, comme je prendrais un couteau de boucher pour leur extraire tout ce mépris du ventre. Qui est là? Quelqu'un qui se moque de moi? Non, personne. Oh, je vais rentrer chez mère. Sa grouille de fille. 7-8 par homme. Un massacre et malheur, il faut que j'en sois. Oui, mes mères que j'ai laissées percher sur le toit du moulin. Aïe donc, voici la danse. Elle ne veut pas, père. Elle est si têtue. Mais qu'est-ce qu'elle ne veut pas? Elle s'est enfermée. Eh bien, tâche de trouver la clé. Je ne peux pas. Oh, imbécile. Hé, hey, les filles, on va s'amuser. Peer Gynt est ici. Mais qui va l'imiter? Personne. S'il vous parle, ne l'écoutez pas. Hein. Non, faisons semblant de ne pas le voir. Quelle est la plus gaillarde de la bande? Ce n'est pas moi. Ni moi. Cherche. Oh, ces coups d'œil, ces sourires, ces pensées venimeuses, ça grince à me faire claquer des dents. Regarde donc, voici les étrangers. Les gens qui sont établis là-haut? Oui, à Edal. C'est vrai, ce sont eux. Puis-je danser avec ta fille? Je veux bien, mais nous devons d'abord saluer les autres. Qu'elle est blonde. En vrai, je n'en ai jamais vu de pareil. Les yeux baissés sur sa jupe blanche et sur ses escarpins, elle marchait en tenant d'une main le tablier de sa mère. De l'autre, un livre de cantiques enveloppé d'un mouchoir. Il faut que je la dévisage, cette fille. C'est toi le gars qui m'a invité à danser. Mais oui, tu ne me reconnais pas? Viens. Pas trop longtemps, mère ne veut pas. Mère ne veut pas. Serais-tu née d'hier? Tu te moques de moi. C'est vrai que tu es presque une enfant. Quel âge as-tu? J'ai fait ma communion ce printemps. Bah, dis-moi ton nom, ça vaut mieux pour causer. Je m'appelle Solveig. Et toi? Peer Gynt. Oh. Qu'as-tu? Ma jarretière se détache, il faut que je la renoue. Oh. père. Elle ne veut pas. Quoi? Qu'est-ce qu'elle ne veut pas? Non, vrai, elle ne veut pas. Quoi? Ouvrir. Oh, tu es bon à mettre au râtelier. Ne le gronde pas, le pauvre gars. Ça s'arrangera. Un peu d'eau de vie, père? Non. Rien qu'un petit coup. En as-tu sur toi? Peut-être bien. Ah, ça fait du bien. Tu n'en veux pas? Bon, laisse-moi goûter. Maintenant, il faut goûter de la mienne. Non! Allons donc, ne fais pas mazette. Bois donc, père. Donne-moi une goutte. Viens, allons-nous-en. As-tu peur de moi, l'enfant? Et qui n'a peur de toi? Ah, l'une, tu nous as montré de tes tours. J'en sais bien d'autres encore. Quand une fois je suis en train... Ça commence. Raconte un peu, que sais-tu faire? Non, attendez à demain. Non, ce soir, ce soir. Sais-tu jeter des sorts? Je sais évoquer le diable. Ouais, ma grand-mère en savait autant avant que je fusse né. Menteur! Mes tours à moi, personne ne les sait. Une fois, j'ai fait entrer le diable dans une noisette. Une noisette piquée des vers. Comprenez? Ouais, on connaît ça. Il criait, pleurait, voulait me tenter de mille manières. Mais ça ne lui a servi à rien. Non, pardi. J'ai bouché le trou avec un petit morceau de bois. Ah, vous auriez dû l'entendre bourdonner sous la coquille. Oh, mon Dieu! On lui dit une guêpe. Il y est encore dans la noisette. Non, il est parti. C'est à cause de lui qu'il y a bouille entre Aslak et moi. Vraiment? Oui. Je m'en fais la force, je lui demandais de casser cette noisette. Il me le promit et la posa sur un banc. Or, vous savez qu'Aslak a la main dure et manie le bateau à tort et à travers. Il broya le diable. Il frappa un grand coup, mais le diable se déroba et partit comme un trait de feu à travers le toit. Et le forgeron? Il est resté tout coin, les mains brûlées. Depuis, nous avons toujours été brouillés. Pas mal, ce conte. C'est peut-être le meilleur qu'il ait fait. Quoi, croyez-vous que j'invente? Non, je puis en témoigner. Mon grand-père m'avait déjà raconté la plupart de tes histoires. C'est faux, tout cela m'est arrivé. Ouais, ils en disent tous autant. Vrai Dieu, je puis traverser les airs sur un cheval ferré d'argent. Oh. Et bien d'autres choses encore, sachez-le. Oh. Allons, père, une chevauchée. Oui, père Gunn, je t'en prie. Mais ce n'est pas la peine de me t'en prier, je passerai comme un ouragan par-dessus vos têtes. Et toute la commune tombera à mes genoux. Oh. Il est fou, allié. Imbécile. Pleurs. Attendez, vous allez voir. Attends-toi même, on va te donner une raclée. Oui, on va te faire voir comme si chantelle. Dis donc, père, c'est vrai que tu chevauches dans les airs? Oui, Mad, je suis un gaillard, moi. Alors, tu possèdes aussi la veste qui rend invisible? Oui, tu veux dire le chapeau? Oui, j'en ai un. Oh, Solveig, tu fais bien de venir. Tu vas voir comme je te ferai danser maintenant. Lâche-moi. Pourquoi? Tu es si rude. Rude comme le cerf à l'approche des beaux jours. Allons, viens, fillette, ne fais pas l'entêter. Je n'ose pas. Pourquoi? De qui as-tu peur? De mon père, surtout. De ton père? C'est juste, il a l'air d'un dévot. C'en est un, dis. Que veux-tu que je te dise? Si ton père est de la bande piétiste, ta mère l'est aussi, peut-être. Hein? Et toi-même? Allons, réponds. Laisse-moi passer. Non! J'ai pu me faire troll. À minuit, je serai près de ton lit. Si tu entends quelque chose qui souffle et crache comme un chat, t'imagines pas que c'est ton Minet. C'est moi, tu entends? Je te tirerai le sang dans une tasse. Quant à ta petite sœur, je la mangerai. Car sache-le bien, la nuit, je me fais loup-garou. Je te mordrai les jambes. Danse avec moi, Solveig! Tu as été méchant. Si tu m'aides, je te donne une vache. Viens. Mon fils, est-il ici? Je vais lui donner une raclée. Ah, ça me fera du bien. Père! Oh, mon Dieu! Mon Dieu, père, mère! Accourez tous! Hé, hey, que se passe-t-il? Père Gunn! Ils l'ont tué! Oh, père Gunn, regardez donc là-haut! Père et la mariée! Oh, voici qui escalade le fiel, on dirait un bouquetin. Père, il la porte comme un petit veau. Ah, si tu pouvais tomber. Attention, si le pied te glissait. Je le tuerais pour ce coup-là. Ah non, Dieu me donne, si je vous laisse faire. un étroit sentier de montagne. Heure très matinale. Père Gunt marche rapidement, l'air maussade. Ingrid, à demi vêtue de son costume de mariée, cherche à leur tenir. Laisse-moi, va-t'en. Après ce qui s'est passé, où irai-je? Où tu voudras, ça m'est égal. Oh mon Dieu, le prêtre, le prêtre. À quoi bon nous dire les sottises? Chacun est libre d'aller son chemin? Non, non, nous sommes liés par un crime. Le diable soit tous les souvenirs, le diable soit toutes les femmes. Excepté une. Qui? Pas toi. Qui donc, dis? Va-t'en, va d'où tu es venu, vite, retourne chez tes parents. Oh père, mon chéri. Oh tais-toi. Tu ne penses pas ce que tu dis. Je le pense et je le veux. Séduire d'abord et repousser ensuite. Qu'est-ce que tu m'offres, voyons? L'enclos d'Eckstadt et d'autres biens encore. Portes-tu un livre de cantiques dans un mouchoir et une tresse d'or à la nuque? Marches-tu les yeux baissés sur ta jupe blanche en tenant un coin du tablier de ta mère? Réponds. Non, mais... As-tu fait ta communion au printemps dernier? Oh non, mais père, As-tu le regard timide? Peux-tu dire non quand je t'implore? Jésus, je crois qu'il perd l'esprit. Est-ce une fête que de te voir? Réponds. Non, mais je... Alors que me fait tout le reste? Sais-tu que c'est infâme de me trahir ainsi? Eh bien, et après? Mais si tu me prends, c'est la fortune pour toi et les honneurs. Impossible. Oh, tu m'as séduite. Tu n'as pas résisté? J'étais malheureuse. Moi, j'étais gris. Ah, oh, mais tu me le paieras! Tout ce que tu voudras, je ne regretterai pas le marché. C'est ton dernier mot? Inébranlable comme un roc. C'est bien. Nous verrons qui pleurera le dernier. Le diable soit tous les souvenirs! Le diable soit toutes les femmes! Excepté une! Oui! Excepté une. Hauteur vue au pied des fiels, au loin des sommets neigeux, les ombres s'allongent, le jour décline. Toute la commune est après moi. Ils sont armés de bâtons et de fusils. En avant, on entend brailler le père de la mariée. Eh bien, on en parle maintenant de Père Gunt. C'est une autre affaire que de se colter avec un forgeron. Ça s'appelle vivre, au moins. On se sent comme un ours de la tête aux pieds, bramer, lutter, nager, frapper, abattre. C'est ça qui s'appelle vivre. Ça vous trempe l'âme et vous gonfle le cœur. Au diable, comte et falaise! La chaîne des Ronden. Coucher de soleil. Tout autour, des cimes rayonnantes. Arrêtez, merveilleux portique! Palais de flammes, ardente tour! Ça, ne me faites pas la nique et ne reculez pas toujours! Et quels sont ces troncs, ces racines, qui sortent du cœur des rochers, ces géants sinistres mines sur des pieds de hérons perchés? Quel mal de tête épouvantable, j'ai là comme un cercle de fer, on dirait que la main du diable me l'a mis au fond de l'enfer. Le bouquetin, quel conte bête, quelle histoire à dormir debout. La mariée, un coup de tête à me faire tordre le cou. Là, vers le ciel, un aigle monte, le canard par-dessus les monts vole au midi. Moi, quelle honte! Je barbote dans nos limons. Non, non! Suivons leur vol superbe! Je veux à cet oiseau pareil me tremper dans les vents acerbes et me baigner dans du soleil par-dessus les buttes de terre, les montagnes et les détroits, au nez du prince d'Angleterre, aller trinquer avec des rois! Une côte boisée de grands arbres. Dans les éclaircies, on voit scintiller les étoiles. Une femme en vert traverse le bois. Père Gunt la suit avec des gestes amoureux. Est-ce bien vrai? Aussi vrai que je m'appelle père, aussi vrai que tu es belle. Veux-tu être à moi? Tu verras comme je suis gentil et délicat, pas de laine à dévider, pas de toile à tisser. Rien à faire, et manger toute la journée. Jamais tu ne seras tiré par les cheveux. Et jamais battu. Or, quoi penses-tu, un fils de roi a-t-il jamais frappé une femme? Ce n'est pas l'usage. Tu es fils de roi? Oui. Et moi, je suis fille du roi de Dovre. Vraiment? Tiens, tiens, ça se trouve bien. Mon père a son château dans les Rondaines. Ma mère en a bien plus grand. Connais-tu mon père, le roi Brose? Connais-tu ma mère, la reine Ose? Quand mon père est fâché, toute la montagne en tremble. Quand ma mère gronde, ça fait tomber des avalanches. Il n'y a pas d'arc que mon père ne puisse tendre. Et pas de cheval que ma mère ne puisse monter. As-tu d'autres habits que ces haillons? Si tu voyais mon costume de fête. Moi, je suis tous les jours dans l'or et dans la soie. Tiens, j'aurais plutôt dit de l'herbe et des étoupes. C'est ce qui te trompe. Sache que chez nous, toute chose a une double apparence. Si tu viens dans le château de mon père, il se peut qu'au premier abord, tu te croies dans un simple amas de pierres. C'est tout comme chez nous, notre or te paraîtra paille et fange, et aux fenêtres en place de vitres, tu n'apercevras que de vilaines guenilles. Père, je le vois, nous sommes faits l'un pour l'autre. Nous nous convenons comme une paire de bottes. Hola, mon coursier de noces! Hola! Un gigantesque pourceau à cour, scellé d'un vieux sac, avec un bout de corde pour bride. Pergune saute sur son dos et assoit la femme en verre devant lui. Allez donc, mon coursier, au château des Rondaines! Au château du vieux de Dovre, la salle du trône. Grande assemblée de trolls, de gnomes et de nix. Le vieux de Dovre est assis sur son trône, sa couronne sur la tête, son sceptre à la main. Des deux côtés du trône, ses enfants et sa famille. Pergunt se tient debout devant lui. Ah! Un chrétien a séduit la fille de notre roi, du vieux de Dovre! Silence! Des sang-froid! Pas de grands mots! Depuis quelque temps, nous déclinons. Nous ne savons plus bien où nous en sommes et ne devons pas repousser l'alliance des humains. Ainsi, et tu demandes la main de ma fille. Avec ton royaume pour dot. Tu en auras la moitié de mon vivant et le reste après ma mort. Ça me suffit. Patience, mon garçon. Nous avons d'abord quelques conditions à t'imposer. Si tu manques à l'une d'elles, le pacte est rompu et nous garderons ta peau. La première, c'est que tu ne remettes plus jamais les pieds hors des limites des Rondaines. Tu craindras la lumière du jour et tous les actes qu'elle éclaire. Qu'importe si je suis roi. Maintenant, je vais mettre ton intelligence à l'épreuve. Qu'est-ce qui distingue un homme d'un troll? Rien que je sache. Les grands trolls veulent rôtir et les petits trolls griffer. Les hommes en feraient autant s'ils osaient. C'est juste. Il y a encore d'autres ressemblances. Cependant, le jour n'est pas la nuit et un homme, malgré tout, n'est pas un troll. Je vais te dire en quoi il diffère. Là-bas, à la lumière du jour, on dit « Homme, sois toi-même ». Ici, sous ces voûtes, on dit « Troll, suffis-toi à toi-même ». Saisis-tu la profondeur de ce mot? Il me paraît plutôt obscur. Se suffire, mon fils. C'est là un mot fort et tranchant qui doit devenir ta devise. Ah, il le faut, si tu veux commander. Après tout, je m'en moque, ça m'est égal. En outre, il faut savoir estimer à sa valeur notre manière de vivre, simple et régulière. Il fait un signe. Deux trolls à tête de porc, coiffés de bonnet de nuit, apportent à manger et à boire. C'est la vache qui fournit les gâteaux et le bœuf l'hydromel. Peu importe le goût, l'important, comprends-le bien, c'est que tout cela soit un produit de l'endroit. La peste soit dans votre boisson domestique, je m'y habituerai jamais. Et si tu bois, tu auras la coupe qui est d'or. Et posséder cette coupe, c'est gagner le cœur de ma fille. Il est écrit, tu vaincras ta nature. Bon, à la longue, la boisson me semble amoigre. Allons, buvons. C'est bien dit. Mais quoi? Tu craches? J'espère m'y habituer tôt ou tard. Qu'allez-vous encore me demander? Faudra-t-il que j'abjure ma foi de chrétien? Du tout! Garde-la si tu veux. La foi libre entrée chez nous et ne paye pas de taxes. Mais nous en avons fini avec la partie sérieuse de cette séance. En avant, vierge de la danse, apparaît sous nos voûtes de Dorvre. Eh bien, que t'en semble? Ce qu'il m'en semble. Oui. Parle sans crainte. Que vois-tu devant toi? Je vois quelque chose d'horrible. Une vache pinçant des corps de boyaux, une truie gigotant à côté d'elle. Halte! Souvenez-vous qu'il voit tout cela avec des sens d'homme. C'était donc toi. Allons, allons. En si joyeuse compagnie, il est bien permis de plaisanter un brin. Jurez-moi que ce n'était qu'une plaisanterie. Que le diable m'emporte si votre danse et votre jeu n'étaient pas admirables. Ah, cette nature humaine, comme elle est résistante. Nous avons beau la frapper d'estoc et de taille, cela ne fait jamais que des blessures passagères. Allons, mon fils. Il te faudra subir une opération sérieuse pour te débarrasser de cette maudite nature humaine. Quelle opération? Je te grifferai un peu le gauche. Tu loucheras, c'est vrai, mais tout ce que tu verras te semblera beau et réjouissant. Puis, je t'enlèverai le droit. Es-tu sous, dis donc? Tu vois mes outils. Je suis bon vitrier. Je te ferai un grand œil de bœuf. Ou plutôt un œil de taureau. Tu verras comme la mariée te paraîtra belle. Et jamais plus tu n'apercevras de truie dansante, ni de vache jouant de l'harpe. Mais tout cela est pure folie! Tais-toi! Et laisse parler le vieux de Dom! C'est toi qui es fou et lui qui es sage! Pense-y bien! Que de peines et d'ennuis tu pourrais t'épargner. Souviens-toi que les yeux sont la source impure d'où découle l'amer flot des larmes. C'est vrai, les livres de piété disent même, si ton œil te scandalise, arrache-le. Eh bien, écoute, dis-moi combien de temps il faut pour qu'un œil ainsi traité redevienne un œil humain? Il ne le redeviendra jamais, mon fils. Vraiment? En ce cas, je vais te dire bonsoir et merci. Où comptes-tu aller? Je compte aller mon chemin tout bonnement. Halte-là! Il est facile d'entrer chez le vieux de Dorvre, mais impossible d'en sortir. Pour épouser une princesse et gagner un beau royaume, je serais disposé à faire quelques sacrifices, mais tout a des bornes. Je puis jurer, si l'on veut, qu'une vache est une fille, car un serment, après tout, se digère assez facilement, mais aliéner à jamais ma liberté, renoncer à mourir un jour en bon chrétien, me condamner à rester troll toute ma vie, ne jamais pouvoir reculer, ça ne te semble rien, toi? Eh bien, moi, je n'y consentirai pour rien au monde. Ah, ça, tu vas me fâcher à la fin. Et alors, je ne plaisante plus. Comment, Blanc-Bec, tu commences par séduire ma fille? Ça, c'est un mensonge! Tu dois l'épouser! Quoi, prétendrais-tu que... Quoi? Tu oserais nier qu'elle eût été pour toi un objet de désir et de convoitise? Eh bien, après, on n'a jamais pendu personne pour si peu. Ces humains, toujours les mêmes. L'âme, vous n'avez que cela à la bouche. Mais en réalité, il n'existe rien pour vous que ce qui est tangible. Ah, tu comptes le désir pour rien. Eh bien, tu verras tout à l'heure ce qui en est. Ouais, va, va, tu ne m'en feras pas croire. Ah, mon chéri, tu seras père avant l'année révolue. Ouvrez-moi, je veux m'en aller. On t'enverra l'enfant dans une peau de bouc. Mais tout ça, c'est un mauvais rêve. Si je pouvais m'éveiller... Faut-il l'adresser au château royal? Envoie-le plutôt à l'asile! C'est bien, prince père, cela te regarde. N'empêche que ce qui est fait, et que ton rejeton va grandir comme un vrai bâtard qu'il sera. Tu sais que les bâtards grandissent vite! Allons, allons, vieillard, ne sois pas bête comme un âne. Et vous, mademoiselle, montrez-vous raisonnable, arrangeons-nous à l'amiable. Sachez d'abord que je ne suis ni riche ni prince. De quelque côté qu'on me regarde, je vous assure que je ne vaux pas cher. Allons, mes enfants, jetez-le contre la paroi du rocher afin qu'il s'y écrase. Au secours! Hé! Je me meurs! L'étranger! L'édifice s'écroule. Tout disparaît. Ténèbres épaisses. Père Gunt frappe autour de lui avec une branche d'arbre. Réponds-moi, qui es-tu ? Moi-même. Arrière ! Fais le tour, la montagne est grande. Qui es-tu ? Moi-même. Peux-tu en dire autant ? Je puis dire ce qui me plaît, c'est manier l'épée. Gare à toi, tiens, attrape ! Saül en a tué 100 et Père Gunt 1000 ! Qui es-tu ? Moi-même. La sotte réponse, ça ne signifie rien. Qui es-tu ? Le grand Courbe. À la bonne heure, nous passons du noir au gris. Arrière, Courbe ! Fais le tour, père. Je te passerai sur le corps ! Abattu ! Oh, encore quelqu'un ? Le Courbe, père Gunt. Toujours le même. Le Courbe frappé. Le Courbe tué. Le Courbe vivant. L'arme est ensorcelée, mais j'ai de bons bras. Oui, compte sur tes bras. Compte sur tes forces, Père Gunt. Ça te mènera loin. Je ne suis pas plus avancé. De quelque côté que je me tourne, c'est toujours la même chose. Il est ici et là et tout autour de moi. Je me crois sorti du cercle et j'y suis en plein. Mais nomme-toi, fais-toi voir. Qu'es-tu donc ? Le Courbe. Mort ni vivant, du brouillard, de la boue, pas de forme. On se croirait au milieu d'un tas d'ours endormis qui grognent sourdement. Ha ! Frappe-toi-même ! Le Courbe est trop malin. Allons, frappe ! Le Courbe ne frappe pas. Lutte ! Je veux que tu luttes ! Le grand Courbe triomphe sans lutter. S'il y avait là, ne fût-ce qu'une nix pour me pincer, ne fût-ce qu'un petit troll, quelque chose à combattre, mais rien ! Bon, le voici qui rentre. Hé, Courbe que tu es ! Plaît-il ? Allons, un peu de violence ! Le grand Courbe triomphe par la douceur. Oh, des griffes, des dents dans la chair, une goutte de mon propre sang ! Fille qui veut me sauver, redresse-toi, lève les yeux et fais vite. Le livre de cantique, jette-le-lui dans l'œil ! Trop fort. Il y avait des femmes derrière lui. Levé de soleil, devant une hutte sur la prairie alpestre d'Ose. La porte est fermée, le site désert est silencieux. Au pied de la hutte, Père est étendu et dort. Ah, je donnerais beaucoup pour un ressort. Tiens, c'est toi, petite Helga ? Que fais-tu ici ? C'est Solveig qui... Où est-elle ? Derrière la hutte. Si tu t'approches, je m'enfuis. As-tu peur que je t'enlève ? N'as-tu pas honte de parler ainsi ? Sais-tu où j'ai été cette nuit ? La fille du vieux Dorve était après moi et ne voulait pas me lâcher. On a bien fait de sonner les cloches. Mais Père Gunt n'est pas si facile à prendre. Qu'en dis-tu ? Oh ! Hein ? Oh, la voici qui se sauve à toutes jambes. Solveig, attends-moi ! Attends. Regarde un peu ce que j'ai dans cette poche. Un bouton d'argent. Je te le donne si tu parles pour moi. Lâche-moi ! Laisse-moi partir ! Tiens, prends-le ! Lâche-moi ! Je veux reprendre mon panier ! Que Dieu te récompense si tu... Oh, tu me fais peur ! Non, non ! Demande-lui seulement de ne pas m'oublier. chambre chez Oz. Tout est en désordre, les coffres ouverts, les vêtements épars. Un chat s'est logé dans le lit. Oz et Carrie, femme d'un journalier, sont fort occupées à emballer et à mettre tout en ordre. Écoute, Carrie. Qu'y a-t-il? Écoute, où ai-je mis? Mais réponds-nous, où est? Oh, ah, voyons, qu'est-ce que je cherche? Je perds la tête. où est la clé du coffre? Dans le trou de la serrure. Qu'est-ce que c'est? J'entends rouler une voiture. Des objets qu'on transporte à Ekstad. Ce sont les derniers. Ah, si l'on m'emportait moi-même au cimetière, je serais bien contente. Ce qu'il faut qu'on souffre dans ce monde, que Dieu ait pitié de moi. Voici, voici toute la maison vide. Ce que le fermier d'Echtat avait épargné, le juge me l'a enlevé. On a tout pris, jusqu'à la dernière chemise. Honte, oui, honte à ceux qui ont prononcé un tel arrêt. On vous permet cependant de rester ici jusqu'à votre mort. Oui. On nous jette une miche, un aumône, au chat et à moi. Dieu de Dieu, la mère, votre fils vous aura coûté cher. Père? Marsat, tu es folle, je crois. Ingrid, n'est-elle pas rentrée saine et sauve à la maison? Ils auraient dû s'en prendre au diable. Ça aurait été plus juste. C'est lui, le malfaiteur, le seul. C'est lui qui a tenté, mon pauvre gars. Ne vaut-il pas mieux que j'aille chercher le prêtre? La chose est peut-être pire que vous ne le croyez. Le prêtre? Oui, peut-être bien. Non, je ne peux pas. Je suis sa mère. Quoi, c'est à moi de lui venir en aide quand tout le monde l'a lâché. C'est mon devoir. Ils lui ont laissé cette casaque, je vais la rapiécer. Plût à Dieu que j'eusse pu soustraire sa plisse. Et la culotte, où est-elle? Là, dans le tas. Oh, qu'est-ce que je retrouve, Carrie, hein? Un vieux moule à boutons avec lequel il jouait au fond d'eux. Il y faisait couler de l'étain qu'il pressait et moulait. Ah, voici la culotte. Il n'y a plus que des trous. Il faut rapiécer ça, Carrie. Elle en a grand besoin. Après quoi, j'irai me coucher. Ah, je me sens toute brisée. Et malade. Dans la forêt, devant une hutte fraîchement construite, bois de renne au-dessus de la porte, neige épaisse, crépuscule. Devant la porte, Père Gunt, occupé à fixer une grande serrure en bois. Que Dieu bénisse ton travail. Ne me renvoie pas. Si je suis venue, c'est que tu m'as appelée. Solveig, c'est toi? Vrai, non, ce n'est pas possible. Tu n'as pas peur de m'approcher? Ma petite sœur Helga m'a transmis ton message. Le vent et le silence m'en ont apporté d'autres. Et ta mère aussi, en me parlant de toi et mes rêves, et mes longues nuits et mes jours solitaires, tout me disait de venir ici. Ma vie s'éteignait là-bas, je ne pouvais plus rire ni pleurer à mon aise. Je suis venue sans savoir ce que tu avais au cœur. Je suis venue parce que je ne pouvais pas faire autrement. Mais que dira ton père? Sur la vaste terre, sous le ciel de Dieu, il n'y a plus pour moi ni père ni mère. Il n'y a plus personne. Solveig, ma chérie, tu as tout quitté pour venir à moi? Oui, tu me remplaceras tout. Tu seras mon ami et ma consolation. Connais-tu la sentence prononcée contre moi ce printemps? Sais-tu qu'elle m'enlève tout ce que je possédais? Je n'ai plus ni feu ni lieu. Est-ce pour partager tes biens que j'ai quitté ce que j'avais de plus cher? Ah, oh, je n'ai plus besoin de porte ni de serrure. Je ne crains plus les trolls et les malignes pensées. Une bénédiction descend sur cette hutte où tu viens habiter avec le pauvre chasseur. Solveig, laisse-moi te contempler, sans m'approcher de toi. Te contempler seulement, que tu es blonde et pure. Laisse-moi te soulever, que tu es fine et légère. En te portant, Solveig, je pourrais marcher sans fatigue, toujours. Pour ne pas te souiller, je tiendrai loin de moi, à bras tendus, ton corps tendre et tiède. Ah non, vrai, qui aurait pu croire que je te parlerais ainsi? Ah mais c'est que j'ai langui après toi des jours et des jours. Je vais te montrer tout ce que j'ai bâti. Je le démolirai, tu sais, j'ai trop petit, trop laid. Petit ou grand, cela me plaît. Maintenant je respire librement, la joue au vent. C'était si étroit, si étouffant en bas. Encore une raison qui m'en a chassée. Ici, au milieu des sapins qui bruissent partout, il y a du chant et du silence. Et je me sens chez moi. Bien vrai, tu es chez toi pour toujours? On ne revient jamais par le chemin que j'ai pris. Je te possède donc. Entrons, que je te vois dans mon gîte. Entre. Je vais chercher du bois et nous ferons un grand feu pour qu'il y fasse chaud et clair et que tu t'y reposes doucement, sans avoir grelotté jamais. Il prend sa hache et se dirige vers la forêt. Au même moment, débouche d'un taillis une femme d'aspect vieux et minable, vêtue d'une robe verte en haillons. Un vilain petit garçon, une cruche à la main, la suit en boitant et en se tenant à sa jupe. Bonsoir, père aux pieds légers. Qui est là? Comme voulez-vous? Nous sommes de vieux amis, père Gunt. Ma cabane n'est pas loin d'ici, nous sommes voisins. Vraiment? Je ne me connaissais pas ce voisinage. Pendant que tu bâtissais ta hutte, il s'en élevait une autre près d'ici. La mienne. Vous me prenez pour un autre, la mère? Non! Si je l'ai fait, c'est le jour où j'ai cru à tes belles promesses. As-tu oublié le soir où tu vidas une grande coupe chez mon père? As-tu oublié? Quoi? Des choses qui ne sont jamais passées? Ah ça, mais qu'est-ce que c'est que tout ce radotage? Quand t'ai-je rencontré? Nous ne nous sommes rencontrés qu'une fois, la première et la dernière. Offre à boire à ton père, je crois qu'il a soif. Son père? Tu es ivre, je pense. Tu devrais pourtant reconnaître l'arbre aux fruits. Ne vois-tu pas qu'il boite du pied comme tu boites de la tête? Tu veux me faire croire que... Ah, tu recommences à te tortiller. Quoi, ce gamin dégingandé? Il a poussé vite, c'est vrai. En vérité, vieille carcasse, tu voudrais te faire passer pour... Est-ce ma faute à moi si je ne suis plus aussi belle que le jour où tu m'entraînais dans les bois? Mais tu as un moyen de me revoir plus jolie que jamais. Chasse cette fille qui est chez toi. Montre-lui la porte. Bannis-la de ta présence et de ta pensée. Et tu verras, mon chéri, je ne serai plus une vieille carcasse. Va-t'en, maudite sorcière! J'attendrai un peu. Je te casserai la gueule! Essaie donc. Oh, oh, père Gunt, je ne suis pas facile à battre. Je reviendrai ici tous les jours. Je serai devant ta porte à vous épier l'un et l'autre. Quand vous serez assis sur le banc côte à côte, quand tu te feras tendre et voudras caresser ta belle, je me mettrai entre vous deux et demanderai ma part du festin. Elle et moi, nous passerons notre chérie. Il faudra que tu te partages entre nous. Adieu, mon amour. Tu peux te marier demain. Si tu veux. Fais le tour, disait le courbe. C'est ainsi qu'il faut agir. Voilà mon beau palais effondré, en ruine. Un mur me sépare maintenant de celle qui m'était chère. Voici que je me déplais ici, que ma joie s'est envolée. Allons, mon gars, fais le tour. D'elle à toi, il n'y a plus de chemin droit. De chemin. Hein? Il devrait en exister un tout de même. Et celui du repentir, il en est question quelque part, mais où? Je n'ai pas le livre sur moi. et j'ai oublié presque tout ce que j'y avais appris. Non, il n'y a rien qui puisse me guider dans la forêt sauvage où j'habite. Et puis le repentir pour suivre ce chemin-là, il me faudrait peut-être des années. Fais le tour, mon gars. Eussé-je les bras longs comme le sapin des montagnes, je ne pourrais jamais la tenir assez loin de moi pour la garder blanche et immaculée. C'est veillée de fête ce soir. Je commettrai un péché en allant la trouver souillée comme je suis. Viens-tu? Faisons le tour. Que dis-tu? Attends-moi, il fait sombre et j'ai un lourd fardeau à porter. Je vais t'aider. Nous le porterons à deux. Non, non, c'est impossible. Reste où tu es. Tu ne seras pas longtemps absent? Je l'ignore. Patience, enfant. Il faut m'attendre en tout cas. J'attendrai. Peregrine s'en va par le chemin qui mène à travers bois. Solveig reste debout sur le seuil. Chez Oz, le soir. Des bûches brûlent dans la cheminée, éclairant la chambre. Le chat est pelotonné sur une chaise au pied du lit. Oz, alité, promène anxieusement les mains sur la couverture. Bonsoir. Dieu soit loué. Enfin, tu es là, mon gars chéri. Mais comment tu osais venir? Ici, ta vie est en danger. Et peu importe la vie, il fallait que je vinsse. Et je suis venu. Je pourrais partir en paix. Partir? Qu'est-ce que ça veut dire pour où? Oh, père, ma fin est proche. N'en ai plus pour longtemps. Bon, je m'étais déchargé de mon fardeau et venais respirer un peu, et voilà. As-tu froid aux pieds et aux mains? Oui, oui, père. C'est bientôt fini. Quand tu verras mes yeux s'éteindre, il faudra les fermer bien doucement. Et puis tu me procureras un cercueil, un beau cercueil. Oh, oh mon Dieu, j'oubliais. C'est impossible. Veux-tu bien te taire? Nous avons le temps d'y songer. Oui, oui. Tu vois. Tout ce qu'ils ont laissé, les méchants. Comme ton lit est court. Les soirs? Tiens, n'est-ce pas mon vieux lit d'enfant? Te souviens-tu du temps où tu t'asseyais à mon chevet le soir? Après m'avoir couché sous ma couverture, tu me chantais une quantité de vieilles chansons. Tu t'en souviens d'où? Et quand ton père partait pour une de ses longues campagnes, nous jouions le soir au traîneau. La couverture représentait la capote, le plancher, un fiel couvert de neige. Et l'attelage, mère, c'est encore là ce qu'il y avait de plus beau. Oh, crois-tu que je l'ai oublié? Karine nous prêtait son chat et nous le mettions sur un tabouret. Puis nous partions pour le château de Soria Moria, tout là-bas, à l'ouest de la lune et à l'est du soleil. Par monts et par veaux, notre chemin nous y conduisait. Pour fouet, nous avions un bâton que tu serrais dans l'armoire. Moi, j'étais assise sur le siège, là. Là, au pied du lit. Oui, oui, et de temps en temps, laissant flotter les guides, tu te détournais pour demander si je n'avais pas froid. Que Dieu te garde, vieille grondeuse. Tu m'aimais bien tout de même. Qu'as-tu donc à geindre ainsi? C'est le dos qui me fait mal à force d'être couché sur la dure. Attends, attends, là. Allonge-toi maintenant. Tu es bien comme ça? Dis. Non, père. Je veux m'en aller. T'en aller? Oui. Oui, m'en aller. Partir. Partir. Allons donc, tire la couverture. Je vais m'asseoir sur le siège, au pied du lit. Et en avant, les contes bleus qui font passer le temps. Va plutôt à l'armoire chercher le livre de cantiques. Je me sens si inquiète dans l'âme. Au château de Soria Moria, le roi va donner une fête. Aïdon, hu, aïdon, dia, nous allons partir. Es-tu prête? Mais, père, suis-je invitée à cette fête? Mais certainement, nous y sommes invités l'un et l'autre. Je vois Saint-Pierre devant la porte qui invite les gens à entrer. Salue-t-il le monde? Oui, très gracieusement. Et il offre à chacun un verre de son vin le plus doux. Du vin? Avec des gâteaux? Sans doute. Il a un plateau à la main. Ça a l'air bon. Et la défunte de notre pasteur prépare le café et le dessert. Mon Dieu, mon Dieu. Nous allons donc nous retrouver. Oui, vous pourrez jaboter tant qu'il vous plaira. Oh, père, à quelle noce me mènes-tu, pauvre vieille que je suis? Aïe donc, Bruno! Père, mon garçon, tu n'as pas fait fausse route au moins. Nous sommes sur le grand chemin. Je suis bien lasse. Bien moulu. Voici le château qui se dresse devant nous. Dans un instant, nous serons arrivés. C'est bien. Je vais fermer les yeux et me fier à toi, mon gars. Aïe donc, là, hardi ma bête, que tout le monde s'émerveille en voyant venir à la fête Père Gunt escorté de sa vieille. Saint-Pierre, qu'est-ce que tu dis? Tu défends la porte à mes roses? Qu'avez-vous donc au paradis qui la vaille? Ah Dieu, pas grand-chose. Je ne te parle pas de moi. Grand merci si l'on me régale. Autrement, ma foi, je tourne bride et je t'étale. C'est vrai, mes tours de sacripant l'ont bien souvent mise en colère. Elle poussait des cris de paon. Vieil oiseau, disais-je à ma mère, j'avais tort. Et veut bon apôtre qu'on l'honore et respecte ici. Elle vaut bien autant qu'une autre. Les bons chez nous sont faits ainsi. Et voici venir Dieu le Père. Il va te donner ton écho. Tu parles en portier, Saint-Pierre? Laisse entrer Rose et plus un mot. Tu le vois bien, c'est tout de suite une autre chanson. Qu'as-tu donc à regarder ainsi, comme si ta prunelle allait éclater? Mère! M'entends-tu pas? Faut pas me fixer comme ça. Parle donc, mère! C'est moi, ton garçon! Ah, voilà donc ce que c'est. Allons, Bruno, tu peux te reposer maintenant. Nous sommes arrivés. Merci pour tout ce que tu as fait, pour les coups et pour les caresses. Et maintenant, remercie-moi à ton tour de t'avoir conduite jusqu'au but. Comment c'est, père ? Allons, tout va changer maintenant. Dieu, comme elle dort profondément. On dirait... Chut! Elle est morte. Veille à ce qu'elle ait un enterrement convenable. Quant à moi, je tâcherai de me sauver sans qu'on m'aperçoive. Tu iras loin? Jusqu'à la mer. Si loin que ça? Et bien plus loin encore. Sur la côte sud-ouest du Maroc, un bois de palmiers. Près de la côte, un yacht à vapeur battant pavillon norvégien et américain. Amarré à la côte, une yole. Pergunt, un bel homme entre deux âges, élégamment vêtu d'un costume de touriste, un lorgnon d'or suspendu au cou, préside à la table et fait les honneurs à Master Cotton, à Monsieur Ballon, à Herr von Eberkopf et à Herr Trompeterstrahl. Buvez, messieurs, nous sommes faits pour jouir, jouissons. Frère Gunt, vous êtes un amphitryon sans pareil. Oh, yes. La moitié de l'honneur revient à mon chef, à mon maître d'hôtel, à ma cassette. Very well, à la santé de tous les quatre. Ah, vous avez, monsieur, un goût, un ton qu'on ne rencontre plus que rarement chez un homme menant comme vous une vie indépendante. Je vous trouve un je ne sais quoi. Tout cela tient à mon état de célibataire. Oh, oui, messieurs, c'est bien simple. Quel est le premier devoir de l'homme? C'est d'être soi-même. Lui, et ce qui est de lui, voilà sa préoccupation naturelle. Oui, oui, oui. Eh bien, je vous le demande. Comment s'y adonnerait-il s'il se laissait charger comme un chameau de l'heure et du malheur d'autrui? Votre conception de la vie vous élève au rang des penseurs. Là où le vulgaire ne voit que des faits isolés, parmi lesquels il tâtonne et s'égare, vous parvenez à vous faire une vue d'ensemble. Vous possédez une norme certaine que vous appliquez à toute chose. Vos jugements acérés, pénétrants, semblent autant de rayons émanant tous d'un même foyer. Et vous n'avez jamais fait d'études? Je vous l'ai dit, je ne suis qu'un autodidacte. Je n'ai rien appris systématiquement, mais j'ai réfléchi, spéculé et lu un peu de tout. Au reste, mes amis, souvenez-vous de ma carrière. Où en étais-je quand je suis venu dans l'Ouest? J'étais un pauvre diable, sans sou ni maille, peinant cruellement pour gagner un morceau de pain. Dix ans plus tard, on m'appelait le Crésus des armateurs de Charleston et mon nom courait de port en port. J'avais la chance à bord. Quel était votre trafic? J'ai surtout fait la traite des Noirs pour la Caroline et l'exportation des idoles pour la Chine. Fuis donc! Peste, l'ami Kunt! L'entreprise vous semble d'une morale hasardée. Et tel a bien été mon propre sentiment. Je la trouvais même absolument odieuse, mais voyez-vous, une fois le premier pas franchi, il en coûte de retirer son épingle du jeu. Et puis, je commençais à vieillir, je frisais la cinquantaine, et voyez, mes cheveux grisonnaient peu à peu. Alors, tout en jouissant d'une parfaite santé, j'étais de temps en temps obsédé par une idée pénible. Qui sait, me demandais-je, quand doit sonner l'heure des grandes assises qui sépareront les boucs des agneaux? Ah, que faire? Je ne pouvais discontinuer mon trafic de Chine. Je cherchais donc un biais et nouer avec ce pays des relations d'une autre espèce. Tous les printemps, je continuais à lui fournir des idoles. Mais quand venait l'automne, j'embarquais pour la côte chinoise une cargaison de prêtres munis de tout le nécessaire. Fricots, bibles, riz et rhum. Et vous retiriez du profit de ce trafic? Bien entendu, la combinaison réussit. Ils firent leur métier à merveille. Pour chaque idole vendue, il y eut un colis baptisé, en sorte que les deux effets se neutralisaient mutuellement. La mission ne chôma jamais. Les dieux colportés étaient tenus en échec par les missionnaires. Eh bien, et la marchandise africaine? Ah, là encore, ma morale finit par triompher. Je compris qu'un tel commerce ne valait rien à des gens de mon âge. On ne connaît pas l'heure de sa mort, sans compter tous les pièges que nous tendaient nos philanthropes et les dangers de naufrage et d'avarie. À tout cela bien pesé, je me dis, père, il est temps de carguer les voiles et de réparer ses torts. Alors, je m'achetais une propriété dans l'Amérique du Sud et gardais pour moi la dernière cargaison de chair humaine qui se trouva être de la marchandise de première qualité. Ils se plurent à mon service et ils devinrent gros et gras, en sorte que eux et moi, tout le monde fut content. Très bien. S'il est vrai que quiconque ne fait pas de mal, fait du bien, je puis croire effacer toutes les fautes de mon passé et mes péchés balancés par mes vertus. Vous êtes norvégien, n'est-ce pas? Oui, d'origine, mais cosmopolite de nature. Je dois ma fortune à l'Amérique, ma bibliothèque aux jeunes écoles allemandes, à la France, mes habits, mes manières et ma tournure d'esprit, à l'Angleterre, des mains aptes au travail et l'instinct du profit personnel. Les Juifs m'ont enseigné la patience. D'Italie, j'ai rapporté un léger goût pour le farnier. Et un jour, l'acier suédois m'a fait vers mon but un pas inespéré. Vive l'acier suédois! Honneur à celui qui sait le manier! Oui, oui, tout cela est très bien. Mais je voudrais savoir, sir, ce que vous comptez faire de tout votre or. Oui. Hmm? Ce que je compte. Ah, oui, dites-nous cela. Dame, avant tout, je compte voyager. À Gibraltar, je vous ai pris à bord pour m'accompagner. Je rêvais d'un cœur d'amis dansant autour de mon veau d'or. Oh, très spirituellement dit. Voyons, on ne tend pas ses voiles seulement pour le plaisir de l'étendre. Vous devez sans doute avoir un but. Quel est ce but? Je veux être empereur. Quoi? Vous dites? Empereur. Empereur de quoi? Du monde? Comment cela, mon ami? Par la toute-puissance de l'or. Cette idée ne date pas d'aujourd'hui. Elle m'a soutenu dans toutes mes entreprises. Enfant, mes rêves m'apportaient sur un nuage et je planais au-dessus des mers. Avant de pouvoir me tenir sur mes jambes, je rêvais déjà de sceptre et de manteau. Je trébuchais, mais l'idée tenait ferme. N'est-il pas écrit quelque part, je ne sais plus où? Si tu as conquis le monde, mais que tu te perds de toi-même, ton gain n'est qu'un laurier couronnant un crâne vide. C'est bien cela, oui, ou à peu près. Et ce ne sont point là de vaines paroles. Mais qu'est-ce donc, à vrai dire, que ce soi-même dont vous nous parlez, le soi-même guntien? Soi-même guntien, c'est la foule armée des convoitises, des désirs, des passions. Le soi-même guntien, c'est le flot des fantaisies, des exigences, des droits. C'est tout ce qui gonfle ma poitrine et me fait vivre de ma vie à moi. Et comme Dieu a eu besoin de limon pour devenir maître du monde, j'ai besoin d'or pour devenir empereur. Mais vous en avez! Pas assez. Ce que j'ai me suffira à peine pour régner à Alib d'Eltmold. Non, je veux être moi dans toute l'acception du terme. Gunt pour l'univers entier. Sir Peter Gunt de pied en cap. Posséder toutes les beautés du monde. Du Johannisberger centenaire. Tout l'arsenal de Charles Tous. Il s'agit seulement de trouver quelque occasion à exploiter. Elle est toute trouvée. Comment? C'est sur elle que nous portons le cap. Ce soir, nous cinglons vers le nord. Vers le nord. Les journaux m'ont apporté une grande nouvelle. Décidément, la fortune est aux audacieux. Qu'est-il arrivé? Les lattes se soulèvent. Les Grecs sont en pleine révolte. Et les Turcs dans de mauvais draps. En Grèce, la gloire nous tend les bras. Je porte le secours des armes françaises. Je l'encouragerai à distance. Et je lui ferai des fournitures. En avant, j'irai à Binder ramasser les éperons de Charles XII. Pardonnez-moi, mon ami, de vous avoir un instant méconnu. Compense si je sais ce que vous voulez dire. Bon, allons donc. N'allez-vous pas avec armes et bagages porter secours aux Grecs? Moi? Ah non, par exemple. Je suis du côté des forts. Et c'est aux Turcs que je prêterai mon argent. Mais voyons, c'est impossible! Quelle agréable plaisanterie! Écoutez, messieurs, il vaut mieux que nous séparions avant que le dernier reste de notre amitié s'évanouisse en fumée. Quand on n'a rien, on ne craint pas les risques. Il n'est meilleur chair à canon que les gens ne possédant pour tout bien que le peu de terre collée à leurs chaussures. Mais quand on est en rade comme moi, on n'aventure pas ainsi sa mise. Allez en Grèce si vous voulez, je vous armerai gratis et vous enverrai à terre. Mais permettez-moi de ne pas vous accompagner. J'ai de l'or et je suis moi-même. Sir Peter Gunt. Quel cochon! Tu Dieu, échouer ainsi en vue du port. Et dire que ce maudit yacht contient tout l'or que ce nabab a fait suer à ses nègres. Une grande idée. Partons en mer. Son empire a vécu. Hurra! Que comptez-vous faire? M'emparer du pouvoir. L'équipage est facile à gagner. En avant, j'annexe le yacht. Un autre point de la côte. Au loin, le yacht marche à toute vapeur. C'est une vision. Un cauchemar. Je vais me réveiller. Il marche comme une flèche vers le large. Mais non, je rêve, je dors, je suis ivre. Il est impossible que je meure ainsi. Un rêve. Je veux que ce soit un rêve. Ah, c'est épouvantable, et pourtant c'est vrai. Coquin d'amis. Écoute-moi, Seigneur. Tu es la sagesse, la justice même. J'en appelle à toi. Fais couler la machine, fais avaler le yak. Arrête les voleurs, embrouille leur gréement. Écoute-moi, suspends toutes les autres affaires. Le monde marchera bien tout seul un moment. Dieu de Dieu, ne m'entend pas. Sourd comme toujours, c'est raide, ça. Un dieu à bout de ressources. Psst! J'ai lâché le plantage, le commerce des Noirs. J'ai envoyé des missionnaires en Chine. Service pour service. Viens à mon aide. Un jet de flamme a jailli de la cheminée du yacht. Une épaisse fumée l'enveloppe. La fumée se dissipe, le yacht a disparu. Le châtiment. Tout a sombré, plus un chat. Béni soit le coup du sort. Un coup du sort? Non, c'est plus que cela, ils périssent et je suis sauvé. Oh, grâce te soit rendue de m'avoir protégé, d'avoir tenu pour moi en dépit de mes torts. Oh! Quel bien cela fait, quelle consolation de se sentir en sûreté, objet d'une protection spéciale. Mais je suis au désert. Où trouver à manger? Bon, je découvrirai bien quelque chose. Pas de danger. Il doit y avoir pensé. Il fait nuit. Un camp marocain sur les confins du désert. Des guerriers sont couchés autour d'un feu de bivouac. Parti le cheval blanc de l'empereur! Volé le costume sacré de l'empereur! Oh! 100 coups de trique au talon pour chacun de vous si le voleur échappe! L'aube, bouquet d'acacia et de palmiers. Oh, la radieuse matinée! Le scarabée roule ses œufs et le colimaçon montre ses cornes. Le matin arrive chargé d'espoir doré. De quelle merveilleuse puissance la nature n'a-t-elle pas doté les rayons du jour levant? On se sent tout à coup si sûr de soi, le courage vous vient, on affronterait un taureau furieux. Autour de moi, quel silence! Ah, ces joies agrestes, comment ai-je pu les méconnaître si longtemps, s'enfermer dans les grandes villes, s'y faire bousculer par la canaille. Voici des lézards qui zigzaguent au soleil et hument l'air sans penser à rien. L'innocence règne partout, jusque dans la vie des bêtes. Chacune suit les lois faites par le Créateur et conserve le sceau qu'il lui a imprimé. Chacune est elle-même, dans ses jeux comme dans ses luttes, elle-même, telle qu'au premier jour de la création. Un crapaud. Il semble emmuré dans le roc, avec un petit trou pour y passer la tête. Par cette fenêtre, il regarde le monde et se suffit à lui-même. Se suffire à soi-même? Où donc ai-je lu ça? Ah, comme enfant, je crois, dans un vieux grimoire. Était-ce le livre de famille ou la clavicule de Salomon? C'est vexant, je remarque qu'en vieillissant, je perds peu à peu la mémoire des temps et des lieux. Il fait frais ici, on peut se détendre. Là-bas, à l'est, cette surface étincelante, est-ce la mer? Non, impossible, c'est un mirage, la mer est à l'ouest. Elle déferle contre une digue de colline qui la sépare du désert. Une digue? Mais alors je pourrais... La chaîne est étroite, une digue. Il suffirait de la rompre en creusant un canal pour qu'un flot de vie vînt inonder le désert. Et bientôt, tout ce bassin incandescent ne sera plus qu'une vaste mer d'où émergeront les oasis transformées en îles fécondes. Au nord, l'Atlas verdoyant s'élèvera en falaise et vers le sud, là où passent aujourd'hui les caravanes, des embarcations voiles et ployées traceront leurs sillons. Une brise vivifiante chassera les miasmes torrides, une fraîche pluie descendra des nuages, et les palmiers se balanceront autour des villages populeux. Plus loin au sud du Sahara s'étendront des provinces maritimes, berceaux d'une nouvelle culture. La vapeur animera les usines de Tombouctou. Bornou sera colonisé du jour au lendemain sans risque aucun. L'explorateur montera en wagon et se laissera emporter vers le Haut Nil à travers... le pays de Gabès. Sur un riche oasis, au milieu de mon océan, j'introduirai la race norvégienne. Le peuple d'Alingdal est presque de sang royal. Un croisement arabe fera le reste. Un amphithéâtre, au-dessus d'une baie, je bâtirai Péropolis, ma capitale. Le monde a fait son temps. Une nouvelle ère commence. Celle de la Guntuanie, de ma terre naissante. Des capitaux et la chose est faite. En avant. À moi, les capitaux de l'Orient et de l'Occident. Mon royaume, ou plutôt la moitié de mon royaume, pour un cheval. Un cheval, des habits, des parures, des armes. Mais c'est impossible et pourtant vrai. Bien non, j'ai lu quelque part que la foi transportait les montagnes, mais qu'elle transporta les chevaux. Il endosse le costume par-dessus ses habits et se contemple. Sire père et turc par-dessus le marché. Vrai, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Hardi, mon beau coursier! Des étriers d'or pour y passer mon pied, faire mon sel! C'est la marque des gens de race. Dans une oasis, sous une tente de cheikh arabe, Père Gunt, en habits orientaux, étendu sur un moelleux divan, prend du café en fumant un chibouk. Devant lui, dansent Anitra et un chœur de jeunes filles. Il est écrit, nul n'est prophète en son pays. Et c'est bien vrai. Comme je me plais mieux ici, comme il y a des armateurs de Charleston. Mais il y avait là-bas quelque chose qui sonnait faux, quelque chose d'étranger à ma nature, d'obscur au fond. Je me suis toujours senti dépaysé, étranger à mon métier. Aussi, qu'allais-je faire dans cette galère? Pourquoi m'entêter dans cette fourmilière? Quand j'y pense maintenant, je n'y comprends rien. Ça s'est trouvé ainsi, voilà tout. Prophète. Ma foi, ça me convient. Et cela m'est venu d'une façon si imprévue, rien qu'en traversant le désert. On avait volé le cheval et les habits de l'empereur du Maroc. Les voleurs poursuivis les a abandonnés, j'ai ramassé les habits, enfourché la monture et me voici paré de mes nouveaux atours au milieu de ces enfants de la nature. C'est le prophète. Pour eux, la chose est claire. Mon intention n'était certes pas de les tromper. Mentir et prophétiser, ça fait deux. Et puis, je peux toujours me retirer à temps. Dansez aux femmes. Le prophète veut chasser les souvenirs pénibles. Jambes remues comme baguette de tambour. Et elle est appétissante, la petite drôlesse. Les pieds ne sont pas très propres, les bras non plus, mais ce n'est pas un défaut, à vrai dire. Cela tient au genre. Écoute, Anitra. Ton esclave t'écoute. Tu es séduisante, mon enfant. Le prophète est ému. T'en faut-il une preuve? Je te fais ourir en mon paradis. C'est impossible. Oh, maître. Ah, ça, penses-tu que je mens? Sur ma tête, c'est très sérieux. Mais je n'ai pas d'âme. Tu en auras une. Comment cela, Seigneur? C'est mon affaire, je ferai ton éducation. Pas d'âme. Assurément, tu es ce qui s'appelle une brute. Je l'ai remarqué avec peine, mais bon, il y a toujours en toi assez de place pour une âme. Viens ici que je te mesure le crâne. Mais oui, il y a assez de place. Je le savais d'avance. Tu n'arriveras jamais bien loin. Je ne te promets pas une âme très profonde, mais qu'est-ce que ça fait? Tu en auras toujours assez pour ton usage personnel. Le prophète est bon. Tu hésites? Parle. C'est que j'aimerais mieux... Allons, dis tout sans crainte. Je ne me soucie pas trop d'avoir une âme. Demain plutôt. Quoi? cette belle opale. Oh, Anitra, vraie fidèle, je subis ton charme magnétique, car je suis homme après tout, et comme dit un auteur estimé, l'éternel féminin m'attire. Lâche-moi ou je mords. Petite folle. Que veux-tu donc? Ce que je veux, jouer à l'aigle et à la colombe. T'enlever, faire des folies. N'as-tu pas honte? Un vieux prophète. Ah, oh, bah, il n'est pas vieux le prophète et tu n'es qu'une sotte. Est-ce là un signe de vieillesse? Lâche-moi, je veux rentrer. Coquette, tu veux rentrer? Vraiment? Chez qui? Chez papa? De libres oiseaux comme nous, échappés de leur cage, n'y rentrent jamais. Et puis, mon enfant, il ne faut pas s'éterniser dans un endroit. On finit par perdre en estime ce qu'on gagne en relation, surtout si l'on se présente en prophète. Oui, mais est-ce vrai que tu sois prophète? Je suis ton empereur. Oh, voyez comme elle se rengorge, la petite linotte. Donne-moi la bague que tu as au doigt. Prends donc toutes ces babioles, chère Anitra. Tes paroles sont d'échange, joyeux. Quelle ivresse que de savoir aimer ainsi. Je veux descendre, je veux tenir comme un esclave la bride du cheval que tu montes. Tu vois ma rose, ma fleur charmante. Je marche dans le sable, dans la poussière, jusqu'à ce qu'un coup de soleil m'étende à tes pieds. Je suis jeune, Anitra, sache-le bien, folle. Oui, tu es jeune. Mais... as-tu encore des bagues? N'est-ce pas? Tiens, tu vois, je saute comme un bouc. Si j'avais du pampre sous la main, je m'en ferais une couronne. Ma foi, oui, je suis jeune. Hop là, je veux danser. Oh, tu es tout en sueur, mon prophète. Tu vas fondre, j'en ai peur. Donne-moi ce lourd paquet qui pend à ta ceinture. Voyons, fais-moi quelques gros chagrins. Pour tout cœur aimant, il est doux de souffrir. Anitra obéit au prophète. Bonjour! À deux pas! Tous les... Une heure plus tard, Pergunte se dépouille pièce à pièce de ses habits orientaux. Cela fait, il tire de sa poche une petite casquette de voyage, s'en coiffe et reparaît dans son costume européen. Voilà le Turc! Et me voici moi-même. Tout ce paganisme ne valait rien. Heureusement, il ne m'a pas, comme on dit, passé dans le sang. La drôlesse! Il s'en est fallu de peu qu'elle m'eût tourné la tête. Du diable, si je sais ce qui me grisait en elle. Heureusement, la farce est jouée. Un instant de plus, j'étais ridicule. Je ne suis plus l'esclave d'un cheval ou d'un cocher. Je ne suis plus chargé de bagages. En un mot, me voici, comme on dit, maître de la situation. Quel chemin vais-je prendre? Il y en a plusieurs qui s'ouvrent devant moi. Et c'est au choix d'un chemin qu'on distingue les sages des imbéciles. Briser tous les liens, rompre avec son pays, avec ses amis, jeter ses trésors au vent, dire adieu au doux bonheur d'aimer, tout cela pour en arriver aux arcanes du vrai. Je déserte les sentiers de la vie, m'enfonce dans le passé. À moi les faits et les êtres anciens. Le présent ne vaut pas un liard. Les hommes sont sans moelle et sans foi. Leurs actes sont veuls et leur esprit rampant. Quant aux femmes, c'est une bien pauvre engeance. Un automne encore. Tout un hiver aussi. vais t'attendre ici. Tu reviendras enfin. Quelques jours de l'année. Et je t'aurai gardé. La promesse donnée. Aux environs de Gizeh, Peer Gynt arrive et regarde attentivement le sphinx. Au diable, ai-je déjà aperçu quelque chose qui ressemble à ce type? J'en ai comme un souvenir obscur. Était-ce un être humain? Et qui cela en ce cas? Car il faut que je l'ai rencontré quelque part, au nord ou au midi. Eh oui, je te tiens, mon bonhomme, tu es le courbe. Celui à qui j'ai asséné un coup de bâton, en rêve, s'entend. J'étais au lit avec une fièvre. Tiens, tiens, courbe. Tu as donc l'air d'un lion quand on te voit par derrière, le jour. Hé, courbe, qui es-tu? Ar sphinx wer bist du? Tiens, un écho qui parle allemand, c'est étrange. Wer bist du? Du pur allemand, ma foi. Je serais le premier à noter une observation si inédite. Écho allemand, dialecte berlinois. Un homme. Bon, voilà d'où venait la voix. Modifiez plus tard mes premières conclusions. Pardonnez-moi, monsieur, une question vitale. Qu'est-ce qui vous amène ici? Une visite à faire. Je viens voir un ami de jeunesse. Comment? Le sphinx? Je le connais d'ancienne date. Quel bonheur! Et cela après une nuit comme celle que j'ai passée. Ah! Mes tempes battent. La tête va m'éclater. Ainsi, vous le connaissez? Répondez. Mais parlez donc. Dites-moi ce qu'il est. Ce qu'il est? Mais je le sais très bien. Il est lui-même. Ah! Quel éclair! J'entrevois l'énigme de la vie. Lui-même, dites-vous. En êtes-vous sûr? Oui, du moins l'affirme-t-il. Lui-même. La grande évolution est proche. Votre nom, monsieur? Je m'appelle Peer Gynt. Peer Gynt! C'est symbolique. J'aurais pu m'en douter. Peer Gynt! Cela veut dire l'inconnu. Ce qui va venir. Ce qui m'a été prédit. Qui êtes-vous? J'ai toujours tâché d'être moi-même. D'ailleurs, voici mon passeport. Encore un mot énigmatique. Au Caire, j'ai trouvé l'empereur des exégètes. L'empereur? Venez! Serais-je vraiment connu? l'empereur d'une exégèse fondée sur le soi-même. Au Caire, une vaste cour entourée de bâtiments et de hautes murailles, fenêtres grillées, cages de fer. Dans la cour, trois gardiens. Arrive un quatrième. Hé, Chapman, où est le directeur? Il est parti ce matin avant l'aube. Je crois qu'il lui est arrivé un désagrément cette nuit. Le voici. B. Griffenfeld introduit Peer Gynt, referme la porte et met la clé dans sa poche. En vérité, voilà un homme bien instruit. Presque tout ce qu'il dit dépasse l'entendement. C'est donc là le club des savants. Vous les trouverez tous au grand complet. Le cercle des Septante, récemment accru de 103 nouveaux membres. Michel, Schlingberg, Schaffmann, Fuchs, dans les cages, et plus vite que ça. Bah, nous. Et qui donc, croyez-vous? Vite, vite! Puisque le monde tourne, nous tournerons avec lui. Pierre le Grand a fait son entrée, vous n'avez plus qu'à rejoindre les autres. Je ne vous en dirai pas plus. Voyons, mon cher directeur, mon cher docteur. Ni l'un ni l'autre, je l'ai été jusqu'à présent. Monsieur Peer Gynt, savez-vous vous taire? Il faut que je me soulage. Qu'est-ce à dire? Promettez-moi de ne pas trembler. Je tâcherai. La raison absolue a expiré hier soir à 11h. Que Dieu nous vienne en aide. C'est très triste en vérité. Et ma situation me rend cet événement particulièrement désagréable. Jusqu'à présent, en effet, cet établissement était considéré comme un hospice d'aliénés. Un hospice d'aliénés? C'est fini, vous comprenez? Oh, je comprends maintenant, cet homme est fou. Et personne ne s'en doute. Vous comprenez, quand je dis expirer, j'invente. Elle est sortie d'elle-même, sortie de sa peau comme le renard de mon compatriote Münchhausen. Un instant, s'il vous plaît. Ou plutôt non. Pas comme un renard. Comme une anguille. Une épingle dans l'œil, clouée au mur. Elle a gigoté un instant. Comment me sauver? Une incision autour du cou et hop, elle était hors de sa peau. Fou allié, il a perdu le sens. Il est clair maintenant que cette fuite sera suivie de toute une révolution sur terre et sur mer. Les gens réputés fous jusque-là se trouvent être à partir d'hier soir, 11h, dans un état normal, en pleine possession de la raison, telle qu'elle apparaît dans sa nouvelle phase. Et si nous allons plus loin, nous trouverons qu'au même moment, tous les gens, soi-disant raisonnables, sont devenus fous. Vous parlez d'heures. Ça me rappelle que mon temps est pris. Votre temps? Vous m'y faites songer. Ah! Sortez! Les temps sont venus! La raison est morte! Vive Peer Gynt! Non, non, voyons, voyons, mon ami, voyons! Bonjour! Saluez l'aurore de votre délivrance! Voici votre roi, votre empereur! Empereur? Assurément! L'honneur est si grand, il dépasse tellement les bornes! Pas de fausse modestie en un tel moment! Au moins, donnez-moi un instant de répit! Je ne suis bon à rien, vous savez, je suis absolument abruti. Un homme qui a deviné l'énigme du sphinx, un homme qui est lui-même. C'est là justement que j'ai la difficulté. Oui, je suis moi-même, je le suis des pieds à la tête. Mais ici, si je ne me trompe, on est plutôt hors de soi. Hors de soi? Vous vous trompez du tout au tout. On est au contraire diablement soi-même ici. Soi-même et rien que cela. Il en résulte que si nous devons avoir un empereur, vous êtes l'homme qu'il nous faut. C'est bien clair. Oh, je voudrais que le diable... Allons, courage. On commence presque toujours par se sentir dépaysé. Soi-même. Tenez, je vais vous donner un exemple. Prenons le premier venu de la bande. Roi Apis, comment va votre seigneurie? Mais suis-je donc le roi Apis? Je suis incompétent, je l'avoue, mais en jugez pas... Oh, tu mens aussi, toi! Que votre seigneurie daigne lui exposer l'affaire. Très bien. Tu vois celui que je porte sur le dos. Il se nommait le roi Apis. Maintenant, il s'appelle Momi. Et par surcroît, il est mort. C'est lui qui a bâti toutes les pyramides et taillé dans le roc le grand sphinx. Oh, il fait la guerre aux Turcs. Aussi, l'Égypte en a-t-elle fait un dieu qu'elle adorait dans un temple sous la forme d'un bœuf. Eh bien, le roi Apis. Apis. C'est moi. N'est-ce pas une malédiction que personne ne reconnaisse mes titres Apis de par ma naissance aux yeux du monde? Je ne suis qu'un fellah. Votre seigneurie n'a qu'à bâtir des pyramides, qu'à tailler un grand sphinx et qu'à faire la guerre aux Turcs. Tout cela est bon à dire. Moi, un fellah, un misérable crève-faim, j'ai bien assez de défendre ma cabane contre les rats et les souris. Allons, trouve quelque chose de mieux, qui me fasse grand, sans danger, et me donne l'aspect du roi Apis que je porte sur mon dos. Si votre seigneurie essayait de se pendre et ensuite elle allait sous terre faire le mort, protégée par les limites naturelles d'un bon cercueil. Oh, c'est parfait. Ma vie pour une corde. Vive la potence. Ce ne sera pas tout à fait ça pour commencer, mais le temps égalise tout. En voilà un qui a de l'individualité, n'est-ce pas, monsieur père? Un homme de méthode. Oui, mais... Et Dieu me pardonne, et ce pan pour de bon. Oh, la tête me tourne, j'en serai malade. Un état de transition, ça passera vite. De transition pour en venir où? Excusez-moi, il faut que je m'en aille. Êtes-vous fou? Pas encore, fou, hein? Allons donc. On a annoncé qu'un empereur venait d'arriver ici. Est-ce vous? Oui, paraît que oui. C'est bien. Voici des notes auxquelles il faut répondre. Très bien. Allez, Aïdon, allez-y toujours. Voulez-vous me faire l'honneur de me tremper? Je suis une plume. Et moi, un vieux parchemin impérial. Mon histoire, seigneur, est bien simple. On me prend pour un sablier. Et je suis une plume. Et la mienne aux plumes peut se dire en deux mots, je suis une feuille de papier destinée à rester toujours blanche. Les gens ignorent le parti qu'on peut tirer de moi. Ils veulent tous m'employer à répandre du sable. J'étais un livre d'or et sur tranche dans la main d'une femme. La sagesse et la folie ne sont que des fautes d'impression. Pensez un peu combien il est désolant pour une plume de ne jamais sentir le fer d'un canif. Représentez-vous un bouquetin sautant de haut, en bas, sans jamais s'arrêter, sans jamais toucher terre. Un canif? Je suis émoussé. Il faut qu'on me taille, qu'on me racle. Le monde va périr si l'on ne me fait pas une pointe. Quel malheur pour le monde que Dieu, en sa qualité d'auteur, l'ait trouvé si bien fait. Vous voulez un couteau? Ouais. En voici un. Oh, comme je vais boire de l'encre. Et quel bonheur que de se tailler. La plume va cracher. Saisissez-le! Vous l'avez dit. Saisissez-moi. Prenez la plume. Prenez du papier. Du papier. Ah, je suis émoussé. N'oubliez pas l'épitaphe. Toute sa vie, et jusqu'à sa mort, ce fut une plume usée. Oh, que deviendrai-je? Que suis-je? Oh, toi, grand, viens à moi. Je suis tout ce que tu voudras, un turc, un troll, un pêcheur, mais viens à moi, j'ai quelque chose de rompu. Je ne puis pas trouver mon nom. Viens à moi, oh, toi, tuteur de toutes les brutes! Il s'évanouit, mais Griffenfeld, une couronne de paille à la main, saute à cheval sur lui. Ah! Voyez comme il brille au soleil! Il est hors de soi! C'est le moment de le couronner! Vive l'empereur de soi-même! Esslez le hoch der grosse paix! À bord d'un bâtiment longeant la côte de Norvège. Per Gunt, vigoureux vieillard, à la chevelure et à la barbe blanche, se tient à l'arrière du navire. Voici le vieux Alin, en costume d'hiver, dressant son torse au rayon du couchant. Comme il se rengorge, le vieillard. Le pic du glacier, son frère, se tient en arrière, modestement. Son manteau de glace verdoie toujours au soleil. La mer de neige s'étend gracieuse comme une vierge en longue robe de lin. Allons, pas de folie, mes vieux gaillards. Restez où on vous a placés. Vous n'êtes après tout que des blocs inertes. Deux hommes au gouvernail. Quelle bise! Oui, cette nuit, nous aurons de l'orage. Où est Ashteigen? Par là. Ah, très bien. Vous semblez connaître le pays? Quand je l'ai quitté, j'ai passé par ici. Et les souvenirs du jeune âge sont, dit-on, ceux qui se gravent le mieux dans la mémoire. Dites donc, vous me rappellerez avant d'aborder que je compte faire de petites largesses à l'équipage. Merci. Bon, ça ne sera pas grand-chose. J'étais chercheur d'or, mais ce que j'ai trouvé, je l'ai reperdu. La fortune et moi, nous sommes dans de mauvais termes. Vous savez ce que j'ai déposé à bord, c'est tout. Le reste est au diable. Excusez-moi, voici la tempête. Bonsoir. Bonsoir. Hein? Qui êtes-vous? Votre compagnon de voyage, pour vous servir. Tiens, je croyais être seul à bord, en fait passager. C'était une erreur. La voilà dissipée. Il est étrange en tout cas que je ne vous ai pas vu avant ce soir. Je ne sors jamais le jour. Vous êtes peut-être malade? Je vous vois pâle comme un linge. Mais non, je me porte à merveille. Ah. Quelle tempête! Oui, l'ami, une vraie bénédiction. Une bénédiction? Et des vagues hautes comme des maisons. On a la bouche pleine d'écume. Pensez à toutes les épaves qu'il y aura demain, à tous les cadavres que rejettera la mer. Une question seulement. Si nous échouions et coulions bas cette nuit... Vous croyez qu'il y a danger? Je n'en sais trop rien, mais supposez que j'en réchappe et que vous vous noyez. Allons donc! Une simple possibilité. Eh bien, quand on a un pied dans la tombe, le cœur s'attendrit. On se fait généreux. Ah bon? Il s'agit d'argent? Non, mais me feriez-vous la grâce de m'accorder votre précieux cadavre? Ah, par exemple, voilà qu'il est fort. Je ne demande que cela. Votre cadavre. C'est pour mes expériences scientifiques. Me laisserez-vous en paix à la fin? Voyons, mon ami, réfléchissez. Vous y trouverez votre avantage. Je vous ferai ouvrir et exposer au jour. L'objet de mes recherches, c'est avant tout le siège du rêve. Je vous promets d'ailleurs de vous soumettre tout entier à mon analyse. Allez-vous-en! Je vois que vous n'êtes pas bien disposé en ce moment. Mais cela peut changer. Nous nous rencontrerons au fond de l'eau. Et peut-être avant. J'espère vous trouver alors de meilleure humeur. Quel répugnant personnage que ces hommes de science. En voilà un mécréant. Un instant, l'ami. Quel est ce fou que vous avez comme passager à bord? Un passager? Je ne sache pas que nous en ayons d'autres que vous. Vous n'en avez pas d'autres? Ça devient de plus en plus étrange. Qu'est-ce qui vient de descendre dans les cabines? Le chien du bord, monsieur. Terre, tout prêt! Mon coffre, ma caisse, tout sur le pont! Le combat est brisé! Au secours! Un canot! Au secours! Je vais périr! Il est écrit « Sauvez-moi, Seigneur !» Enchanté de vous revoir. Vous voyez bien, j'ai prédit juste. Tabas les mains! Il n'y a ici de place que pour un seul. Je m'aiderai du pied gauche. Une fois le doigt dans ce joint, je nagerai. À propos, pour en revenir à notre cadavre... Taisez-vous! N'avez-vous jamais vu personne qui me ressemble? Que le diable! Aurait-il coutume d'employer la peur pour nous éclairer dans le danger? Bon, il se trouvera que vous êtes un esprit de lumière. Mon ami... Savez-vous ce que c'est que l'angoisse? Y avez-vous sérieusement pensé, ne fût-ce que deux fois par an? Quand on est en danger, on a peur. C'est pas plus malin que ça. Savez-vous quel triomphe il y a dans l'angoisse? L'avez-vous éprouvé, ne fût-ce qu'une fois dans votre vie? Mais si vous voulez mon salut, vous vous y prenez tard. C'est absurde. La mer va m'engloutir. Auriez-vous plus facilement triompher au coin de votre feu? Arrière, fantôme! Des camps! Je ne veux pas mourir! Je veux gagner la côte! Quant à ça, rassurez-vous. On ne meurt pas au milieu d'un cinquième acte. Enfin, il s'est démasqué. Ce n'était qu'un insipide moraliste. La veille de la Pentecôte, dans les grands bois, dans une éclaircie, une cabane, bois de renne sur le pignon au-dessus de la porte. Père Gunt rampe par terre, cueillant des oignons. Un peu d'oignons. Ce n'est peut-être pas assez. Il faut être inventif et tendre des lacets. Tiens, je vois un ruisseau d'eau pure où je peux boire. Être roi des forêts, c'est encore de la gloire. À l'instant de mourir, ne puis-je pas toujours, contre un arbre abattu, me blottir comme un ours, et sur sa vieille écorce, en un effort suprême, tracer une fière épitaphe à moi-même? Si j'y perds Gunt, gaillard alerte et grand coureur, des fauves de ses bois, il est mort empereur. Empereur? Ah, vieux fou, toujours la fanfreluche. Tu n'es plus aujourd'hui qu'un oignon qu'on épluche. Et je vais t'éplucher, Père Gunt, mon bel ami. Tu sais, je ne fais pas les choses à demi. D'abord une pelure, un lambeau que j'enlève. Le triste naufragé rejeté sur la grève. Puis une autre, minable et piteuse d'aspect. Le passager vantard, prometteur et suspect, qui sent déjà son Gunt. Cette feuille jaunie, c'est le maigre chercheur d'or en Californie. Et cet autre dessous dur, au bord recourbé, c'est le rude chasseur des phoques du Tson Bay. Une couronne. Oh bon, la farce est pitoyable. Arrachons cette feuille et la jetons au diable. Courte et forte, c'est pire, le sondeur d'inconnu. Et voici le prophète. Il est frais et charnu. Mais il sent le mensonge, ainsi que dit la Bible. Oh non, pleure. Vraiment, tant l'odeur est horrible. Cette feuille tordue, au reflet purpurin, c'est le Crésus vivant, sans mesure et sans frein. Et cet autre malade, à point noir, n'a peut-être que Père Gunt, le courtier passant du nègre au prêtre. L'oignon sera petit, il disparaît, il fond, et je n'entrevois pas de noyau ni de fond. Et c'est qu'il n'en a pas, non, rien que ces coquines de feuilles, qui se font de plus en plus mesquines. La nature est folâtre. À quoi bon méditer, qui marche en trop songeant, finit par se heurter le front au mur. Au lieu de fouiller le mystère, rampe donc, mon vieux Gunt, la face contre terre. Là, ce coin de forêt, et cette cabane, et... N'ai-je pas déjà vu ce gîte abandonné, au-dessus du pignon là-haut des bois de renne? Sur le toit, n'est-ce pas, se dresse une sirène? Non, c'est faux. Mais voici la serrure à secret qui ferme la pensée au lutin indiscret. Ici le triste oubli, là-bas la foi gardée et l'âme riche. Ici l'âme dépossédée, l'angoisse mordant le cœur comme un vampire. Là-bas la vérité, là-bas fut mon empire. Il se précipite dans le bois. Bonsoir, mon vieux. Bonsoir, l'ami. Tu sembles pressé. Où vas-tu donc? À des funérailles. Vraiment? Mais tu n'as pas très bonne mine. Excuse-moi, tu ne t'appellerais pas père? Mon homme père Gunt? Voilà ce qui s'appelle avoir de la chance. C'est justement père Gunt que je viens chercher ce soir. Tiens, tiens. Et que me veux-tu? Je vais te le dire. Je suis fondeur. Il faut que tu entres dans ma cuillère. Pourquoi faire? Pour être fondu à neuf. Fondu? Tu vois, elle est toute prête. Ta fosse est creusée, ton cercueil commandé. Dans ton corps, les vers célébreront bientôt leur festin. Quant à ton âme, le maître m'a chargé de la lui apporter sans retard. Un landon comme ça? De but en blanc? Un vieil usage. Qu'il s'agisse de funérailles ou de baptême, on choisit le jour en secret, sans en avertir le héros de la fête. Oh, oui, oui, oui. La tête me tourne. Tu serais? Je suis fondeur, comme je te l'ai dit. Oh, je comprends. Votre gentillesse a plusieurs noms. Ainsi donc, père, voici le terme de ton voyage. Mais c'est là, mon ami, un vilain procédé. Ma foi, je méritais mieux que ça. Je suis moins mauvais qu'il ne vous semble et fais quelque bien en ce monde. Tout au plus pourrais-je passer pour un vaurien, mais non pour un grand pécheur. Oui, mon ami. Et c'est précisément là la question. Tu n'es pas un pécheur au sens élevé du mot. Voilà pourquoi tu échappes au tourment et n'es digne que de la cuillère à fondre. Quelle est cette nouvelle invention que vous avez inaugurée à mon absence? Oh, la coutume est vieille comme le serpent de la Bible et destinée à réparer les déchets. Tu connais le métier et sais que le moulage ne donne souvent que de fichus résultats. On obtient par exemple des boutons sans attache, destinés à briller comme boutons sur la veste universelle. Tu es venu sans attache. Il n'y a plus qu'à te jeter dans la caisse au bouton raté pour que tu retournes à la masse. Quoi? Tu prétendrais me faire fondre avec Pierre et Jean pour obtenir de nouveaux produits? Certainement. Et tu ne seras pas le premier à qui c'est arrivé. Non, non. Et encore une fois, non. Je me défendrai des pieds et des mains. Tout plutôt que ça. Qu'entends-tu par tout? Allons, sois raisonnable. Tu es trop lourd pour monter au ciel. Je suis plus modeste et n'aspire pas si haut. Mais quant à mon moi, je n'en céderai pas un brin. Jugez-moi d'après les anciennes coutumes, enfermez-moi pour un certain temps chez Sa Majesté très cornue, pour un siècle, si le juge est sévère, c'est encore supportable. Voyons, père, mon ami, il ne faut pas t'emporter pour si peu. Toi-même? Mais tu ne l'as jamais été, que je sache. Cela te changera-t-il tant que ça de mourir tout à fait? Je n'ai jamais été. Ah, ça, tu me fais rire. Et il se trouvera à la fin que Père Gunt n'était pas Père Gunt. Allons, fondeur, tu juges à l'aveugle. Tu aurais beau me sonder les reins, tu n'y trouverais que père et encore père. Rien de plus. Rien de moins. Ce n'est pas possible. Au moins, accorde-moi un délai. Pourquoi faire? Mais pour prouver que toute ma vie, j'ai été moi-même. Car enfin, c'est de ça qu'il s'agit. Et comment le prouverais-tu? En produisant des certificats, des témoins. Je crains fort que le maître ne les trouve insuffisants. Mais c'est impossible, d'ailleurs. Qui vivra verra. Je reviendrai sous peu. On ne naît qu'une fois et l'on tient beaucoup à soi-même. Tu consens? Eh bien, oui. Va. Mais souviens-toi que nous nous rencontrerons au prochain carrefour. Un autre point dans les bois. Il est écrit, le temps c'est de l'argent. Si seulement je savais où les routes se croisent, est-ce près, est-ce loin d'ici, où j'ai le feu au talon. Les pieds me brûlent. Un témoin, un témoin. Où en trouver un dans cette forêt, c'est impossible. Oh, le monde est fait à la diable. Essayez donc d'y prouver le droit le plus clair. Un vieillard tout courbé vient au-devant de lui. Un petit sou, mon bon monsieur, un pauvre diable sans abri. Excusez-moi, je n'ai pas de petite monnaie. Oh, le prince-père, Voici d'où l'on se rencontre. Qui es-tu? Il ne se souvient plus du vieux de Ronden. Comment tu sais? Le vieux de Dovre, mon petit père. Le vieux de Dovre? Ah, vraiment, réponds. Tu es le vieux de Dovre? Ah, je suis tombé bien bas. Ruiné? De fond en comble. Je me traîne par les chemins, affamé comme un loup. Ah là là, voici un témoin. Et affameux encore. Monseigneur a grisonné depuis que nous nous sommes vus. Ah, cher beau-père, on s'use avec les années. Allons, ne pensons plus à nos vieilles affaires. Oublions les bruits de famille. J'étais fou ce jour-là. Oui, monseigneur était jeune. Ça fait faire tant de choses. Assez radoté, mon ami. J'ai bien autre chose sur le cœur. Je me trouve dans une assez fausse situation et aurais besoin d'un témoignage ou d'un certificat. Beau-père, vous pourriez m'en délivrer un? Vous vous rappelez le soir où je me présentais au Ronden en qualité de prétendant? Assurément, mon prince. Laissez là ce titre de prince, arrivons au sujet. De gré ou de force, vous vouliez me fausser la vue en me faisant une incision de la lentille et de père Gunt me faire troll. Qu'ai-je fait? J'ai résisté. Jurant que je resterai moi-même. J'ai renoncé à tout, amour, pouvoir, honneur, pour conserver mon moi. Eh bien, ce fait, vous devez l'attester sous serment. Oh, là, c'est tout à fait impossible. Vous m'avez tenté de mille façons, mais je me suis refusé à faire le pas décisif, et tout est bien qui finit bien. C'est à ça qu'on reconnaît son homme. Mais c'est justement la fin qui te dément. Que me chantes-tu là? En quittant les Ronden, tu avais ma devise écrite derrière l'oreille. Ta devise? Mais oui, cette parole forte et tranchante que je t'ai dictée. Quelle parole? Celle qui distingue les hommes des trolls. Troll, contente-toi de toi-même. Contente-toi? Oui, et depuis, tu l'as appliqué de toutes les forces de ton âme. Moi? Père Gunt? Oh, l'ingrat! Secrètement, tu as toujours vécu en troll. Cette devise que je t'ai donnée t'a fait faire ton chemin. Tu lui as dû grandeur et opulence. Et maintenant, tu viens nous renier, moi et ma bienfaisante devise. Contente-toi. Vécu en troll, en égoïste. Bah, des absurdités. Père Gunt, un troll, un rondon. Ce sont des contes, des sornettes. Allez, adieu. Voici un sou pour acheter du tabac. Attendez un peu, mon bon prince père. Lâche-moi, tu es fou, tombé en enfance. Fais-toi admettre à l'hôpital. Adieu. Je vais tâcher de me traîner jusqu'à la ville. Que vas-tu faire en ville? Je tâcherai de me faire engager au théâtre. On y cherche des types nationaux. Bon voyage. Saluez tout le monde de ma part. Si je parviens à m'arranger, je prendrai le même chemin. Je suis en train d'écrire une farce à la fois profonde et folle. Titre: Sic transit gloria mundi. Un carrefour. Eh bien, père, tu n'as encore jamais été où tu en es. Ce compte en toi t'a donné le coup de grâce. Ta barque fait haut de toutes parts. Faut t'accrocher à une épave. Tout plutôt que d'être confondu avec d'autres débris. Eh bien, père Gunt, où est ton certificat? Suis-je déjà au carrefour? C'est aller vite. Je lis sur ton visage comme dans un livre. Je sais ce que ça veut dire. Vois-tu, l'affaire est un peu embrouillée. Je renonce à être moi-même. La preuve pourrait être difficile à établir. J'abandonne ce côté de la question. Mais tout à l'heure, en cheminant dans cette solitude, j'ai senti un poids sur ma conscience. Père, me suis-je dit, tu es tout de même un grand pécheur. Nous voici revenus au point de départ. Du tout? Je dis un grand pécheur, non seulement en action, mais en pensée, en parole. Je menais à l'étranger une vie d'enfer. C'est possible, mais je voudrais un certificat. Très bien. Accorde seulement un petit délai. J'irai trouver le prêtre, me confesserai en un tour de main et t'apporterai un billet en règle. Si tu me l'apportes, il est clair que tu échapperas à la refonte. Cependant, ce mandat... Oh, un vieux document, à ce que je vois. Il date d'une époque où je menais une vie fade et nonchalante, jouant au prophète et croyant au destin. Allons, tu me permets? Oui, mais... Voyons, mon ami, sois gentil. Tu n'as sans doute pas grand-chose à faire. L'air est si bon dans ce district, ça allonge la vie des habitants. On meurt rarement dans cette vallée, comme disait le curé de Justedal. Eh bien, donc, jusqu'au prochain carrefour, mais pas plus loin. Qui va là? Un prêtre portant un rêve? Hop là! Je suis décidément l'enfant gâté du sort. Bonsoir, monsieur le pasteur. Un mauvais chemin, n'est-ce pas? Assurément, mais que ne fait-on pas pour accueillir une âme? Ah, il se présente un candidat au ciel. Non, j'espère qu'il prendra l'autre direction. Me permettrez-vous, monsieur le pasteur, de vous accompagner un bout de chemin? Mais très volontiers. Votre compagnie me convient. Vous voyez devant vous un homme correct. J'ai toujours respecté la loi. Je n'ai jamais été sous les verrous. Et il arrive cependant qu'on perd de pied, qu'on trébuche. Je n'ai jamais pratiqué le péché en gros. Bon, en ce cas, mon ami, laissez-moi tranquille. Vous semblez me prendre pour un autre. Vous regardez mes mains. Qu'y remarquez-vous? Un développement d'ongles inaccoutumé. Maintenant, vous regardez mes pieds. Eh bien. Est-ce là un pied naturel? Je m'en flatte. J'aurais juré que vous étiez prêtre. Et voici que j'ai l'honneur. Allons, tant mieux. Quand on peut entrer par la grande porte, on ne prend pas le chemin de cuisine. Il vaut mieux parler au roi qu'à ses ministres. Ah, votre main. Vous me paraissez libre de préjugés. Voyons, mon cher, en quoi puis-je vous servir? Ah, il ne faut me demander ni argent ni pouvoir. Si ce n'est pas indiscret, je voudrais bien... Être logé à part, hein? Ah, mon cher ami, j'en suis vraiment désolé, mais vous ne sauriez croire combien j'ai de requêtes du même genre. Je reçois tous les jours des bonnes âmes prêtes à quitter ce bas monde. Cependant, si l'on considère mes faits et gestes, j'ai quelques droits à une entrée séparée. Puisque ce n'était que bagatelle. Jusqu'à un certain point, jusqu'à un certain point. Je me souviens toutefois avoir fait la traite des Noirs. Oh, il y en a qui font la traite des âmes et des volontés. Mais ils s'y sont sottement pris et n'ont pas obtenu leur entrée. J'ai envoyé en Chine quelques idoles de Bouddha. Oh, encore des vétis. Nous nous soucions bien de ça. D'autres ont répandu de pires idoles à l'aide de la littérature et de la chair sans réussir à se faire ouvrir. Oui, mais vous savez bien que j'ai joué au prophète. À l'étranger, la belle affaire. Si vous n'avez pas de titre plus sérieux que ça, avec la meilleure volonté du monde, je ne puis vous loger. Il est écrit, tu ne peux savoir où le soulier te blesse quand tu marches pieds nus. C'est vrai. En fait de souliers, grâce aux circonstances, je me contente d'une paire dépareillée. À propos, ça me fait souvenir que je dois presser le pas. J'ai là un certain gigot dont j'espère un brillant régal. Ainsi, pas de temps à perdre en niaiserie. Oserais-je demander quel péché a pu commettre cet individu? Il a, si je ne me trompe, réalisé la principale condition exigée par nous. Jour et nuit, il est toujours resté lui-même. Lui-même? C'est donc là ce qu'il faut pour rentrer chez vous. Cela dépend. Souvenez-vous qu'il y a deux manières d'être soi-même, l'envers et l'endroit. Vous connaissez la nouvelle découverte qui nous vient de Paris, l'art de se faire portraiturer par le soleil. Il résulte deux sortes d'épreuves, la positive et la négative. Celle-ci montre des ombres en place de lumière et vice-versa. L'œil profane la juge ratée. Eh bien non, la figure y est. Seulement, il faut savoir la faire ressortir. Ainsi des âmes. Il y en a dont la vie a produit des épreuves négatives. Ce n'est pas une raison pour détruire le cliché. Il suffit de me l'envoyer et je continue l'opération. Je connais les réactifs sûrs. Oui, le soufre et les autres substances dont il faut se servir. Je baigne, brûle, vaporise et bientôt la transformation s'opère. L'image paraît telle qu'elle doit être. De négative, elle devient positive, à moins qu'elle ne soit, comme chez vous, à moitié effacée. En ce cas, rien ne sert, ni soufre, ni potasse. Et de qui donc est le portrait dont vous allez manipuler l'épreuve négative? C'est celui d'un certain Peer Gynt. Peer Gynt? Tiens, tiens. Il est dans lui-même, ce monsieur Gynt. Ça, j'en réponds. Et c'est un homme digne de foi, ce monsieur Peer. Vous le connaissez peut-être? Un peu. On connaît tant de monde. Mon temps est compté. Où était-il la dernière fois que vous l'avez rencontré? Très loin, au Cap. De bonne espérance? Oui, mais il devait, si je ne me trompe, s'embarquer sur le premier bateau en partant. Ah, mais j'y cours de ce pas! Pourvu que je n'arrive pas trop tard. Ah, ce cap, il m'a toujours répugné. Il est infesté de missionnaires norvégiens. L'imbécile. Le voici qui prend ses jambes à son cou. Il sera joliment attrapé. C'est un vrai plaisir que d'avoir mis cette brute dedans. Il fait l'important. Il y a vraiment de quoi. Ce n'est pas son métier qui l'enrichira. Il court au-devant d'un crack complet. Ah. Ça ne veut pas dire que je sois ferme en selle. Me voici, pour ainsi dire, expulsé de la noble tribu des mois. Bien des choses à Peer Gynt, sœur étoile. Ah, oh, briller, s'éteindre, disparaître ainsi. Lamentable pauvreté de l'âme qui retourne au néant et se perd dans le gris. Terre verdoyante, pardonne-moi d'avoir foulé pour rien l'herbe de tes prairies. Je veux encore une fois grimper sur les cimes rocheuses, voir le soleil se lever, m'épuiser les yeux à regarder la terre promise. Après cela, que la neige s'amoncelle sur moi et qu'on trace ces mots sur ma tombe, si j'y personne. Et ensuite, advienne que pourra. Bonjour, Peer Gynt. Où est ton billet de confession? Tu me croiras si je te dis que j'ai cherché un confesseur tant que j'ai pu. Et tu n'en as pas trouvé? Je n'ai rencontré qu'un photographe ambulant. Tant pis, le délai est expiré. Tout est fini. Ça sent la mort. Entends-tu, Lulé la chouette? Non, c'est la cloche des matines. Quelle est cette lumière? Une simple bougie qui brûle dans une cabane. D'où vient ce son? Ce n'est qu'une femme qui chante. Voilà où je me ferai délivrer un billet de confession. Allons, règle tes affaires. Mes affaires? C'est là que je les réglerai. Je suis chez moi. Va-t'en, décampe. Ton monde fut-il 100 fois plus grand qu'il ne l'est, il ne pourrait nous contenir, moi et les péchés que tu verras inscrits sur mon billet. Allons, père. Je t'attendrai au 3e carrefour. Mais alors? Fais le tour, disait le courbe. Non. Cette fois-ci, j'irai tout droit, quel que soit le chemin. Il se précipite vers la maison. Au même moment, Solveig en sort, en habit de dimanche, tenant un livre de cantique enveloppé d'un mouchoir. Un bâton à la main, elle se dresse, svelte et douce. Parle, Solveig, et prononce la sentence du pécheur. C'est lui. C'est lui. Béni soit le Seigneur. Plains-toi. Reproche-moi mes torts et mes péchés. Je ne te connais aucun tort, ô mon unique amour. Allô, père, ton billet. Oh, crie bien haut tous mes forfaits. Oh, toi qui de ma vie as fait un chant d'amour, sois béni d'être revenu près de moi. Et béni soit Pâques aux roses qui te ramène ici. Oh, je suis perdu. Il en est un qui te viendra en aide. Oui, perdu. À moins toutefois que tu ne saches deviner les énigmes. Parle. Eh oui, je vais parler. Écoute. Peux-tu me dire où a été Peer Gynt depuis que tu ne l'as vu? Où il a été? Oui, où était-il tel que Dieu l'a marqué du sceau de la prédestination, tel qu'il était clos de la pensée divine? Peux-tu me le dire? Sinon, il me faut rentrer d'où je suis sorti, disparaître dans le pays des brumes. Oh, l'énigme est facile à résoudre. Allons, dis ce que tu penses. Où étais-je moi-même? Dans ma plénitude et dans ma vérité, où étais-je tel que je fus marqué du sceau divin? Dans ma foi, dans mon espérance. Dans mon amour. Que dis-tu? Tais-toi! Ce ne sont là que paroles enjôleuses. Tu parles d'un enfant qui vit en toi, qui par toi seul existe, qui n'a qu'une mère. Mais oui, c'est bien mon enfant. Mais n'a-t-il donc pas de père? Si. Son père est celui qui pardonne, cédant aux instances de la mère. Ma mère. Mon époux. Ô vierge sans tache, cache-moi,